Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur NextGen Auto. On se retrouve une dernière fois pour cette première partie de saison pour revenir sur le Grand Prix de Belgique qui marque donc la 14e course de la saison, la dernière avant la pause estivale qui a été remportée par Lewis Hamilton. Alors c'est pas lui qui a franchi la ligne en premier, on y reviendra tout à l'heure pour voir comment ça s'est passé. Donc on va revenir forcément comme d'habitude hein, sur toutes les équipes, sur toutes les actus aussi puisqu'on a eu beaucoup d'actus de transfert depuis la fin du week-end. Voilà, on va reprendre ça un petit peu. Bonsoir à tout le monde dans le chat, il y a eu déjà beaucoup de messages. Il y a eu Truman Chauve, il y a eu Zolive, il y a eu, je reprends les pseudos, il y a eu TDI Valno et Philou Le Fou qui ont posté pour la première fois. Donc bienvenue à vous sur la chaîne. Et il y a eu également Sepsant et je ne sais plus qui d'autre, j'ai perdu la deuxième notification. C'est Billy Gordy qui ont pris un abonnement. Donc c'était pour vous remercier évidemment, vous pouvez toujours suivre la chaîne et vous abonner évidemment pour nous aider à faire du contenu en plus d'autres émissions. Et puis de toute façon il y aura peut-être des émissions aussi pendant la pause hein, forcément, puisque l'actu ne va pas s'arrêter. On verra un petit peu comment ça va fonctionner. En attendant, on va donc débriefer ce Grand Prix de Belgique remporté par Lewis Hamilton. On est deux pour le faire ce soir, il y a Franck avec moi. Salut Franck, ça va? Salut, salut le chat. Bah, écoutez, ça va très bien, ça y est, un petit air de vacances qui commence à souffler sur la F1. Avec effectivement, comme tu l'as dit aussi, des annonces après le Grand Prix, et heureusement, ils ne nous ont pas saisi un plein milieu du mois d'août pour le faire. C'est quand même appréciable, donc on va pouvoir débriefer tout ça ensemble. Effectivement, bah, le Grand Prix, les annonces, tout ça, ça a encore été un Grand Prix assez exceptionnel. Donc, voilà, super, super saison de Formule 1 qui se poursuit. Et je dis pas qu'on a hâte d'être à la rentrée, mais ça promet en tout cas pour la suite. Bah clairement, hein, c'est sûr que la saison est vraiment lancée, on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de spectacles, et je pense que toute la fin de saison va être comme ça, donc ça va être très intéressant. Petite pensée à tout le monde qui a très chaud, puisque je vois dans le chat que des gens parlent qu'il fait thermostat 9 chez eux ou thermostat 7, donc je compatis, hein, je crois que j'ai 34 dans le bureau ici, je pense que toi Franck tu dois pas être très loin. Ils ont eu à 30 là tout à l'heure. frais. Donc voilà, forcément un Grand Prix donc dominé par... alors, c'était une surprise, en fait, la course a été dominée par Mercedes, malgré une pole de Max Verstappen qui a pris une pénalité, et donc la pole est revenue à Charles Leclerc, devant Sergio Perez. Et puis, c'est vrai qu'en course, alors vendredi, Mercedes n'allait pas du tout bien, en course, ils ont fait beaucoup mieux, puisqu'ils ont réussi à retrouver, en fait, en enlevant des évolutions, on en reparlera après, un très très bon niveau sur le sec, et ont dominé la course de manière un peu surprenante, ce qui a aussi surpris Ferrari notamment. Et le podium final, c'est Lewis Hamilton devant Oscar Piastri et Charles Leclerc. Max Verstappen termine quatrième. Donc George Russell avait gagné grâce à une stratégie à un arrêt qu'il a malheureusement perdu avec une disqualification. Merci à Ronnie pour l'abonnement également, qui vient de s'abonner. Donc on va forcément rentrer dans le vif du sujet, hein, immédiatement parler de Mercedes, puisque c'est vrai que c'est l'équipe qui a surpris en tout cas en remportant une troisième course. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pas d'accord avec surpris. Moi, j'avais pronostiqué une victoire de Russell. Alors c'est vrai. Toi, t'avais pronostiqué une victoire de Russell. Mais en fait, moi, quand je dis surpris, c'est pas par rapport à la forme. Justement, j'allais y venir parce que c'est pas par rapport à la forme actuelle. Ils ont gagné 3 des 4 dernières courses. Donc, on est vraiment sur une équipe Mercedes qui domine. Par contre, ça a été une surprise. Si on prend le début du week-end, où vraiment, c'était la soupe à la grimace chez Mercedes. On a eu un Lewis Hamilton inquiet qui disait que c'était quasiment la pire séance de la saison. Enfin, en tout cas, depuis le retour vraiment en forme. Et puis ils sont revenus en arrière sur les évolutions qu'ils avaient amenées. Le samedi sous la pluie, c'était correct, mais ils n'ont pas trop pu comprendre ce que la voiture valait. Et en fait, le dimanche, tout simplement, ils étaient les plus rapides en course. Donc toi, c'est vrai que tu avais prédit effectivement la victoire de Russell. Bon, du coup, tu l'as perdu aussi sur tapis vert. Est-ce que tu... Moi, j'avais prévu Norris, alors j'ai dire. Je l'ai perdu au départ. Et du coup, est-ce que tu penses maintenant que Mercedes va être la force à battre sur les prochains Grands Prix, ou est-ce que tu penses aussi que malgré tout ils sont un peu dans une situation compliquée parce que leur dernière évolution n'a pas fonctionné et ça pourrait avoir des problèmes sur la suite de la saison justement? Alors pourquoi j'ai pronostiqué Russell moi déjà et Mercedes en fait? Parce que oui, effectivement c'était un petit peu l'équipe qui était en train de monter, et puis Spa, circuit très rapide, Silverstone, ils avaient effectivement démontré qu'ils étaient déjà sur la bonne dynamique, et je savais effectivement aussi qu'il y avait ces évolutions qui arrivaient. Malheureusement, comme tu l'as rappelé, le plancher introduit vendredi, il n'a pas fonctionné du tout comme prévu. Donc, ils sont revenus en arrière surtout sur une monoplace qu'ils connaissaient un petit peu mieux. Peut-être qu'ils ont été aussi un peu comme Ferrari, finalement, un peu trop loin dans leur concept de plancher, qu'ils ont un peu atteint les limites aussi de leur concept et de leur idée à ce niveau-là. Donc, à voir. On n'a pas les données encore sur le... Mais c'est encore tôt. Voilà, sur le pourquoi du comment. Mais non, ils ont été extrêmement compétitifs une fois ce plancher débarrassé. Alors, le samedi, effectivement, comme ça s'est déroulé sur terrain humide, très difficile de pronostiquer quoi que ce soit à partir de ce moment-là. Mais effectivement, en course, c'était de nouveau une monoplace qui était extrêmement facile. D'ailleurs, Hamilton a dit que ça faisait des années qu'il n'avait pas eu une monoplace aussi facile. Alors, des années, ça doit être 2021 pour lui. Donc voilà, donc ça fait au moins 3 ans. Même à Silverstone, effectivement, il était quand même déjà content de sa monoplace. Mais là, pour le coup, il était vraiment ravi de la voiture. Et puis, d'ailleurs, on peut le voir, hein, Mercedes arrive à dérouler une stratégie à un arrêt seulement avec Russell. Bon, ça se finit un peu mal avec le kilo et demi qui manquait à la fin, mais pour qu'une voiture puisse faire 34 tours, je crois, avec des pneus durs à Spa, un circuit très rapide, sans non plus trop fléchir en termes de performance sur la fin, ça veut quand même dire que la voiture est quand même plutôt bien équilibrée. Le tout en ayant, ouais, comme tu l'as dit, changé de plancher le vendredi et passé un samedi sur le mouillé. Donc ça veut dire que c'était effectivement assez bingo sur les réglages à adopter. Donc non, moi je pense qu'effectivement c'est une force sur laquelle il faut compter sur la deuxième partie, enfin, la deuxième partie de saison. On est déjà vraiment attaqué, mais on va dire sur la rentrée. Voilà. Donc il y a 10 courses effectivement où Mercedes pourrait rafler pas mal de choses. Et puis à profiter effectivement des petites erreurs opérationnelles ou stratégies de McLaren, de la baisse de forme de Red Bull, de Ferrari qui oscille encore entre j'ai compris ou j'ai pas tout compris. Voilà, Mercedes, on connaît leur excellence opérationnelle pour les courses. Alors, excellence opérationnelle, sauf effectivement dans le cadre seul, mais effectivement, il y a de l'explication et pas d'explication aussi en même temps, parce qu'on peut dire qu'il y a aussi d'autres pilotes qui ont fait une stratégie à un arrêt et qui ont fini au poids. Chez Mercedes, on a peut-être joué un petit peu trop avec le feu au niveau du poids. Mais voilà, non, Mercedes clairement en très grande forme. Bon, on ne s'attendait pas du tout à les voir à ce niveau-là en course après avoir vu les essais du vendredi, ça c'est sûr. Ouais. On s'attendait même à voir un Verstappen dominateur, un Verstappen même qui remonterait assez facilement ses 10 places de pénalité, ou au moins jusqu'au podium. Et au final, on n'a rien vu de tout ça, donc c'est parfait pour l'imprévisibilité du sport. Et comme on en a parlé pendant le Grand Prix tous les deux, c'est vraiment le premier Grand Prix de l'année où les 4 équipes de tête étaient à peu près égales en termes de rythme de course. C'était extrêmement difficile de prédire le vainqueur à quelques tours de l'arrivée. Quoi. Ça pouvait se jouer aussi bien, peut-être pas à quelques tours, mais à 15 tours de l'arrivée, ça se pouvait vraiment se jouer entre Mercedes, Ferrari, McLaren et même Red Bull. Hein, voilà, parce que tant que le dernier arrêt n'était pas fait, que les stratégies ne se sont pas déployées au dernier moment, tout le monde était vraiment un mouchoir de poche. Donc, ouais, clairement. Donc un superbe Grand Prix à ce niveau-là, je tiens à le souligner. Ça nous met bien la dose juste avant la rentrée. Vous avez 4 équipes très très fortes qui peuvent se disputer la victoire et c'est vraiment génial. Ouais, c'est quasiment du jamais vu. Hein. De toute façon, c'est sûr que alors bon, ça a été annulé pour l'instant, mais Mercedes était la 4e équipe cette année à faire un doublé, ce qui est une première dans l'histoire de la Formule 1. On n'a jamais eu 4 équipes qui ont fait un doublé la même saison. C'est vrai que c'est vraiment, on voit le resserrement. Alors bon, de toute façon, ça fait un moment qu'on le dit qu'il faut être patient, mais que ça va se faire parce que c'est le resserrement du plafond budgétaire et c'est le resserrement de l'ATR, donc le système de handicap de développement selon le classement de l'année précédente, enfin même du semestre précédent. Et là, on voit les vrais effets de ce règlement-là qui resserre en fait de manière évidente la grille et la convergence se fait beaucoup plus vite sur un règlement donné que ça se faisait auparavant. Globalement c'est vrai que bon après il y a le souci Russell dont on va parler. Moi c'est vrai que j'ai été impressionné par Hamilton parce que en fait c'est que dès qu'on le retrouve avec une bonne voiture il est là, j'étais impressionné à la fois, je suis pas impressionné parce qu'on le connaît, mais c'est vrai qu'on voit que dès que la voiture est de retour au niveau, Hamilton répond présent et il fait ce qu'il faut à chaque fois. Et Hamilton est le vainqueur moral pour moi aussi parce que ça n'a pas été souligné sur pas mal de télévisions anglaises, ni d'ailleurs sur son interview à chaud post-course, mais aux télévisions françaises notamment et aux télévisions néerlandaises, il a bien souligné que Mercedes l'avait prévenu très très très très très tard, que Russell avait basculé sur une stratégie à un arrêt, et il a clairement dit qu'il lui restait beaucoup de gomme en fait. Il aurait pu attaquer plus, ouais. On aurait pu attaquer plus et ne pas se retrouver dans cette situation de ne le rattraper qu'au moment des 2 ou 3 derniers tours. Donc ouais, Mercedes un petit peu, voilà, il est un peu tapé du poing sur la table, alors pas très très fortement parce qu'il parce que voilà, ça restait un doublé, mais il était pas très content effectivement dans la façon dont il a été prévenu et ça a été géré. Donc on pourrait presque se dire voilà, c'était effectivement lui qui était le plus rapide et que s'il avait été prévenu à temps de la stratégie à un arrêt de Russell, qu'il a lui-même d'ailleurs suggéré à un moment à la radio. Sauf qu'il ne s'était pas imposé plus que ça pour l'adopter. Et c'était plus délicat pour lui en raison des undercuts des autres voitures. Donc voilà, ce n'est pas un choix qui a été fait. Mais voilà, Hamilton, clairement, aurait dû être prévenu plus tôt par son équipe et ne pas se retrouver dans cette situation-là. Après, on a vu aussi que les déplacements à Spa étaient plus difficiles cette année. La longueur de la zone DRS a été réduite. Moi, je trouve que c'est la bonne longueur. Normal, je pense. L'année précédente, c'était beaucoup trop court, beaucoup trop long, pardon. Oui. Et donc les déplacements étaient un peu plus faciles. Peut-être que l'année prochaine sera un juste milieu entre 2023 et 2024, je ne sais pas. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans des trains de DRS qui ont un peu pénalisé les stratégies des voitures derrière, mais voilà, moi je pense qu'Hamilton, en tout cas, mérite très largement sa victoire. Oui. Et voilà, il aurait fini par passer Russell et n'aurait pas été dans cette situation-là s'il avait été prévenu. Au moins 5 ou 6 tours avant, je crois que c'est à peu près comme ça que Russell basculait sur un arrêt. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'après Russell, bravo à lui parce que c'est lui qui a vraiment imposé la stratégie à Mercedes. Il a dit moi je veux continuer parce que j'ai les pneus pour. Et c'est vrai que, en fait, on a vu des stratégies assez conservatrices chez l'ensemble des concurrents. On a vu des relais en dur durer moins de 15 tours, hein, ce qui est vraiment moins d'un tiers de course. Et finalement, à côté, on se retrouve à avoir un Russell qui lui, ben. Se dit moi je peux continuer à attaquer, il a géré ses pneus mais sans trop les gérer non plus parce qu'il a quand même vraiment bien attaqué quand il le fallait et finalement il était super solide tout le long de la course. Alors bon, on sait maintenant qu'il y avait un avantage en performance dû à un poids inférieur à la limite, mais c'était pas non plus un avantage énorme hein, en soi par tour. C'est 6 centièmes par tour, donc ouais. c'est pas ça, ça vaut 2 secondes 5 sur la durée d'une course quoi, mais c'est pas quelque chose que vous prenez en compte vraiment sur un rythme de course. Autant sur un tour rapide, ça a énormément d'influence, autant sur un rythme de course, quand vous mettez dans un rythme, vous savez très bien que vous n'êtes pas à 100% de la voiture, vous êtes à 99% de ce qu'elle sait faire en pouvant adopter la stratégie nécessaire. Voilà, c'est à peu près ça le rythme de course. Et d'ailleurs, pour répondre à Lambo Diablo, comment se fait-il que Hamilton sache qu'il lui restait de la gomme et pas Russell? Hamilton, il était sur 2 arrêts, donc lui, dans sa tête, Russell faisait un deuxième arrêt aussi. Il n'avait pas besoin d'attaquer et de pulvériser ses gommes comme ça. Donc c'est ce qu'il dit. Il a fait dérouler sa course en fonction de ce qui était nécessaire. Il s'est pas mis à attaquer comme un sourdingue, pensant que Russell allait ne pas s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il avait encore plein de gommes à user et qu'il a pu attaquer du coup très fort sur la fin de course. Voilà. D'ailleurs, quand on voit les pneus de Russell à l'arrivée, effectivement, on est limite de voir la corde quand même hein, sur ces pneus. Et là, peut-être qu'on va effectivement venir sur le cas Russell, sur les 1,5 kg. Pirelli a expliqué que chaque pneu perd environ 1 kg de gomme en moyenne sur un relais. On peut imaginer que Russell, ayant été beaucoup plus loin que ce qui était prévu, eh ben, il a creusé peut-être de 150 ou 200 grammes de plus par gomme. Ce qui fait à peu près quasiment 800 grammes, à peu près ça. Et effectivement, ce qui met un petit peu Mercedes dans la mouise, c'est qu'il n'y a pas de tour d'honneur à Spa. Bon, à un moment, ça c'est prévu, hein, à moins qu'il l'ait vraiment oublié. Mais tout le monde l'a prévu, ça. Oui. Mais voilà, mais Isola a clairement dit qu'un tour d'honneur à Spa, en récoltant toutes les boulettes de gomme, vous récoltez facilement 1 kg de plus de gomme sur les pneus avec toutes les boulettes que vous ramassez. Et donc les 1,5 kg, vous les retrouvez facilement hein, du coup à ce niveau-là. Alors attendons, ça c'est quand même là, juste à dire, c'est pas la confirmation officielle à 100% de ce qui s'est passé. Mercedes va quand même faire une enquête approfondie pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui s'est passé sur la voiture, une pièce perdue ou autre. Mais bon, a priori, rien de particulier n'a été retrouvé au soir de la course pendant les vérifications techniques. Attendons le débriefing qu'ils font eux systématiquement le mercredi ou le jeudi, qu'on salue d'ailleurs toujours, parce que c'est eux qui sont vraiment très transparent là-dessus. Donc s'ils ont trouvé quelque chose de plus que le fait que les gommes aient été un peu trop usées, bah, il faudra donc se dire que Mercedes joue vraiment très très très à la limite avec le poids de sa monoplace. C'est ça. Alors, Étoile Polaire dit c'était trop bizarre, ils sont rentrés direct. C'est pas trop bizarre, Aspa, c'est toujours comme ça. Hein. Ils Oui. font la source, ensuite ils rentrent à sens inverse dans les stands. Et effectivement, c'est parce que le tour fait 7 km et qu'un tour d'honneur, déjà de base, c'est assez long. On voit que sur les circuits de 4 km, il y a peut-être quelque chose comme 4-5 minutes de tour d'honneur. Et c'est vrai que bah, là, ils veulent pas passer 10 minutes parce qu'après, ça fait très long au niveau des protocoles qui suivent pour la conférence, le podium, etc. Pas très sympa pour les fans quand même. Non, c'est Dé pas cool non déjà plus. déjà qu'ils ne les voient que 44 fois, alors que sur un circuit traditionnel, on est plutôt entre 55 et 70 fois. Oui. Ouais, moi je trouve que. Puis en plus, la course dure pas très longtemps, elle a duré 1h20 et des poussières. Donc Ouais. pour le coup, je trouverais assez logique que la FIA. Bah voilà, en plus, le Grand Prix est court. Je veux dire, c'est le Grand Prix tapé des 2 heures. Je peux comprendre qu'on s'économise encore 2 minutes 30 de tour d'honneur. Mais vu que le Grand Prix en plus est court, on pourrait bien imposer au F1 de faire un tour d'honneur et puis bah, quitte à ce qu'effectivement bah, la gestion de la consommation adapte aussi le fait qu'il y a ce tour d'honneur à faire. Il Bah, c'est faut ça, hein. arriver avec 1 litre ou 1 kilo, je sais plus, 1 litre de carburant Un litre. pour les prélèvements de la FIA obligatoire. Effectivement, les F2 font le tour, mais les F1 ne le fait pas parce que bah, eux, c'est des protocoles plus serrés. Mais bon, après, effectivement, ça pourrait être quelque chose qu'ils pourraient revoir. Et donc, après, tu vois, moi, il y a eu un débat qui s'est fait, là, notamment dans mes commentaires sur Twitter, et j'ai vu globalement un peu partout sur les réseaux, sur le règlement technique, le fait que quand c'est une infraction, c'est une disqualification directe. Et moi, je trouve ça très bien parce que ça évite toute zone grise et ça évite toute bataille. Parce que là, on dit, on sait pas, on peut jamais vraiment chiffrer le gain d'une infraction comme celle-ci, mais on dit que ça peut être jusqu'à 2,5 secondes. Et enfin 2,2 secondes sur la course, 2,5 secondes. Et en fait, le troisième termine à 1,1 seconde de Russell, donc sachant que c'est l'écart le plus serré pour un podium, enfin pour un triplé des trois premiers depuis Abu Dhabi 2016. Et les trois terminent en 1,1 seconde, donc forcément, ça a pu avoir un impact énorme sur la performance et sur le résultat du coup de la course. Donc moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui disaient oui, mais du coup, il faudrait peut-être une tolérance et tout. Moi, je suis totalement contre. Pour moi, le règlement technique, c'est ce qui est parfait avec. C'est que, enfin, je sais pas si c'était du même avis, mais pour moi, c'est que Oui, au tout à moins fait. tu dépasses et bah c'est out et puis terminé quoi. Non, non, ben là, de toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a jamais eu photo là-dessus. Un aileron plus large de 1 mm ou pas assez incurvé pour le DRS, comme ça s'est vu aussi récemment sur les As, ou ce genre de choses. Non, ben, c'est disqualification directe, je veux dire. Hein. À ce niveau-là, Alors certes, le poids, c'est toujours quelque chose de très, comment dire, autant un aileron, il bouge pas, lui, il a toujours la même largeur et tout ça, il n'y a pas de souci. Autant effectivement, le poids, c'est quelque chose qui varie. Mais aux équipes de prendre en compte les aléas de la course pour que le poids soit au-dessus du poids minimum à l'arrivée. Et on peut pas dire autre chose que ça, quoi. Et jouer, alors certes, jouer 1 kilo près, ben c'est le jeu aussi. Bah là, peut-être que Mercedes ne saura plus reprendre à cela aussi et pensera effectivement à changer de stratégie comme ça peut avoir des impacts. Si en plus ils sont vraiment, si en plus ils s'amusent vraiment à j'aimerais bien savoir quel était le poids de la monoplace d'Hamilton par exemple à la fin. Ça serait quand même extrêmement sympathique que la FIA, alors évidemment pour des raisons de confidentialité, on révèle pas les poids des monoplaces, sauf celles qui sont dans l'infraction. Ça nous permettrait de savoir qui est en surpoids. Mais ouais, j'aurais bien voulu connaître le poids de la monoplace d'Hamilton à l'arrivée pour comparaison, quoi. Mais en tout cas, on sait que celle de Russell, avant drainage du carburant, elle était pile au poids déjà. Elle était à 798. Donc, C'est ça. c'est vrai que c'est. Ouais, on sent que ça joue très très serré au niveau du poids. De toute façon, chaque dixième compte. Hein, là, on est dans une F1 où les équipes sont obligées de prendre un peu des risques. Et c'est vrai que, bon, bah, après, c'est. Moi, je trouve ça très bien. Au moins, c'est comme l'an dernier quand Hamilton et Leclerc ont une planche trop fine après la course à Austin. Bah, les deux sont disqualifiés. Et puis, c'est comme ça, quoi. Alors, c'est des premières disqualifications d'un vainqueur depuis Belgique 94, donc 30 ans. 30 ans. C'était Michael Schumacher pour une planche trop étroite, enfin trop fine, Trop justement. usé, trop trop usé. Usé, ouais. Il avait fait un tête à queue en course, je m'en rappelle, Oui, il avait pas bien. frotté sur un. C'est sûrement ça, il avait frotté sur un Sur un vibreur, vibreur. Ouais. Et voilà, c'est le sixième vainqueur de l'histoire à avoir sa victoire supprimée par une disqualification. ouais. Ce qui est peu, hein. 6-6 C'est sur peu. 1100 et je ne Ouais. sais combien, 1120 Grand Prix peut-être dans l'histoire, Sachant c'est assez qu'il y en a eu d'autres qui ont été, eux, recalés, enfin replacés à leur victoire après. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ça fait très très peu. Hein. C'est globalement quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, un petit morceau d'histoire, comme on dit. J'ai vu la question, effectivement, ça donnait quoi le test de flexibilité des ailerons? Bon, c'était pas un test en tant que tel, c'était des prises de mesure de la FIA pour l'instant. Donc effectivement, des points fixés sur les dérives des ailerons avant et des caméras qui fixaient ces points pour voir effectivement à quel point ça bougeait. Donc pour l'instant, ce n'est que de la prise de mesure, il n'y a pas de sanction ou autre. Et donc je suppose que derrière, ça va compiler un petit peu entre les différentes équipes, voir qui bouge beaucoup, qui bouge un peu moins. Et alors, certainement après des petits rappels à l'ordre pour certaines, voir si effectivement il y a des choses qui sont un petit peu trop hors de l'esprit du règlement, on va dire. Après, l'esprit, c'est toujours une chose, hein. Vous sanctionnez jamais par rapport à l'esprit du règlement. Vous rebâtissez la lettre du règlement en essayant de solidifier l'esprit. Pour que l'esprit sauvegarder commun... l'esprit, voilà. Voilà, pour que l'esprit commun soit le plus proche possible, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait débat des fois, hein, le règlement et l'esprit du règlement. Alors Pierrot poste son premier message dans le chat, bonsoir à toi et bienvenue. Il dit qu'il n'y avait pas eu les Ferrari avec les ailerons avant, absolument, Malaisie 99. Les Ferrari avaient été disqualifiées puis replacées parce que finalement en appel elles avaient eu raison. Et c'était le retour de Schumacher, hein, c'était son grand prix de retour après son accident où il avait collé une seconde à tout le monde en qualif. Histoire de rappeler qui était le patron, mais effectivement c'était bien ça, il y avait aussi Schumacher du coup justement. En 95 au Brésil avec une question de carburant qui était non conforme. Donc voilà, mais ça arrive quand même aussi rarement malgré tout, hein, parce qu'il n'y en a pas non plus des cas énormes de vainqueurs disqualifiés puis replacés dans sa victoire. Ce qui m'a d'ailleurs étonné d'ailleurs, quand on a cherché la stat, je m'attendais à avoir moins une dizaine ou une quinzaine de victoires supprimées. Non, c'était vraiment très peu. Hein. Mais ouais, même dans les années 50, alors certes les contrôles n'étaient pas aussi... poussé qu'aujourd'hui, puisque le règlement technique n'était pas aussi non plus très... Voilà, prenait pas non plus des centaines de pages comme aujourd'hui, mais quand même, c'est effectivement très très peu de très très peu de disqualifications, et donc pour des sports aussi pointus où tout doit évoluer à la limite, c'est quand même à saluer aussi. Tout à fait, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon là, après Mercedes, je pense qu'on a à peu près fait le tour, quelques rumeurs après sur le sportif en tout cas, je pense. Après, juste ouais, effectivement, pour parler un peu de... parce qu'on va parler un peu des pilotes pour presque chaque équipe finalement. Oui. Mercedes, a priori, voilà, ça se dirige un petit peu quand même de plus en plus vers Antonelli, même si Verstappen reste l'option numéro 1 de Toto Wolff. Je pense qu'il n'est pas prêt de partir, même si de plus en plus d'éléments sportifs cette fois-ci, c'est-à-dire la compétitivité de Mercedes et la baisse de forme de Red Bull pourraient lui permettre d'envisager un petit titre chez Mercedes en 2025. Maintenant, voilà, il est plutôt quelqu'un de côté plutôt loyal. Et si la paix est effectivement revenue du côté de Red Bull, je pense qu'on devrait rester sur quelque chose de stable à ce niveau-là. Et logiquement, on devrait voir Kimi Antonelli faire ses débuts en F1 chez Mercedes l'année prochaine, puisque on en parlera tout à l'heure. La dernière place chez Williams, qui était un client de Mercedes, est bouclée. Et donc, du coup, il n'ira pas là-bas. Et Sainz n'ira donc pas chez Mercedes, puisque pareil, il a choisi d'aller chez Williams. Ouais. Donc, là, on part plus long là-dessus, parce que voilà, sinon. Non, juste une déclaration assez. C'est vrai que la déclaration de Wolff était quand même assez claire, en tout cas assez sans équivoque, on va dire. Oui. Et par ailleurs, c'était, je pense, parce que du coup, le vainqueur n'était pas le poleman, c'est la première fois depuis 2009-2010 que nous avons 6 courses de suite où le poleman ne s'impose pas. Donc ça montre aussi justement la différence entre rythme qualif, rythme course, et le fait que ce soit très serré, que ça se joue à pas grand-chose. Deuxième équipe qu'on va aborder, c'est McLaren. McLaren avec la deuxième place d'Oscar Piastri, la cinquième de Lando Norris. Donc là, petite déception pour Lando Norris qui partait quatrième. Et globalement, petite déception pour McLaren, qu'on attendait un petit peu mieux que ça, face notamment à Mercedes, et un petit peu face à Red Bull. Avec une équipe qui a été bonne mais qui encore une fois perd beaucoup en course à cause d'erreurs. Alors là, c'est deux erreurs des pilotes. Norris sort large au premier virage parce qu'il fait attention à l'intérieur, il fait une erreur, il glisse sur le vibreur et se retrouve dans le gravier, et puis Oscar Piastri rate son emplacement au stand et perd à peu près 2 secondes une seconde et demie à 2 secondes, on va dire, dans ce cas. Et donc ces deux erreurs qui ont été bien coûteuses dans tous les cas, dans les deux erreurs, ils ont dit qu'ils ne s'attendaient pas avoir à la fin de course autant d'impact de ces erreurs. Donc ça montre que McLaren, encore une fois, vendange entre guillemets des bons résultats. Alors l'équipe apprend toujours à gagner, mais en ce moment elle apprend surtout à perdre. Et après, c'est encore une fois, ils seraient très contents d'un résultat comme ça. Ils auraient été très contents d'un résultat comme ça il n'y a encore pas si longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu de frustration de la part des deux pilotes de ne pas réussir à faire un week-end vraiment parfait, ou presque, quoi. Alors, on commence par qui ? On commence par Piastri. Oui, il a fini devant. Oui, effectivement, il y a son erreur qui lui coûte un petit peu cher aux arrêts au stand. Alors, il a expliqué un peu en conférence de presse pourquoi, effectivement, il a fait cette erreur. Premier arrêt au stand, il avait un peu mal jaugé le grip pendant les essais, le vendredi. Et donc, il s'est arrêté à chaque fois un peu court. Et il comptait un peu rectifier du coup ça pendant les essais, pendant la course. Sauf qu'à son premier arrêt, si vous vous souvenez bien, il y a Hamilton qui est devant lui, qui repart. Et en fait, il doit freiner un petit peu déjà, un petit peu en avant, en amont pour l'éviter. Et donc, il s'arrête du coup à son stand sans avoir eu le point de repère encore idéal pour freiner. Et du coup, son deuxième arrêt, là, du coup, il freine un peu au panneau un peu trop tard. Donc, ouais, à ce niveau-là, ça se joue à 30 cm ou à 40 cm, hein, pas plus. Donc, mais bon, c'est suffisant pour déstabiliser l'équipe, pour que son Jackman prenne un petit coup dans les cervicales sur l'impact, bon, sans grand problème, heureusement pour lui, et perdre effectivement à peu près deux secondes sur la manœuvre, et ce qui coûte effectivement peut-être la victoire. Alors peut-être pas la victoire, je dirais juste que ça lui coûte juste une remontée un peu plus rapide sur les Mercedes, parce que comme on l'a dit, c'était beaucoup plus difficile de dépasser ici, et puis les McLaren avaient certes une très bonne vitesse de pointe, mais pas suffisante pour passer facilement les Mercedes. Par contre, ce qui aurait pu changer du coup, par contre, c'est comme Toto Wolff l'a dit, c'est qu'il aurait pu en eu une consigne envisagée pour faire passer Hamilton devant Russell. Parce qu'Hamilton remontait fort sur Russell et Russell commençait un peu à stagner. Si Piastri s'était retrouvé un peu plus menaçant derrière Hamilton un peu plus tôt, ils auraient peut-être dû demander effectivement à Russell de concéder la première place à Hamilton. Donc bon, le scénario ne s'est pas produit, mais il s'en est fallu de peu pour que ça intervienne, quoi. Donc voilà pour Piastri. Je sais pas ce que tu veux rajouter sur lui avant qu'on passe à Norris. Non, c'est globalement solide, mais toujours moins bien en qualif que, oui, que, la qualif, que son équipe. Il s'en va un peu, ouais. Bon, après, c'est sur la pluie. Là, ouais, c'est un peu compliqué. Difficile. Mais... Par contre, en gestion de pneus de course, ça y est, je pense qu'il est totalement là. On l'a vu après en Hongrie, c'était magistral. Et là encore, sur ce Grand Prix-là, c'était parfait aussi. D'ailleurs, il avait failli switcher un arrêt lui aussi, à un moment. Donc, Il a plus ses chutes de fin de relais comme il avait en fait il y a encore quelques temps. Je pense que là, la voiture lui convient mieux, il arrive mieux à la comprendre, mieux à trouver la limite et mieux à trouver la limite de dégradation, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu rageant pour McLaren parce que, alors, ils font doubler au Grand Prix d'avant, donc ça va, mais c'est rageant parce que c'est encore un Grand Prix où il y avait mieux à faire, en fait, tout simplement. Piastri, bon, là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est vrai que finalement, il serait parti plus haut, ça aurait peut-être été plus facile, mais. La course est bonne. Après, Norris, alors je me permets de passer à Norris. J'ai vu Philou le Fou qui dit Norris réussit à perdre 2 points de plus face à Max qui part en deuxième avec une moins bonne voiture. La Red Bull était pas mauvaise quand même ce week-end. Elle était intouchable sous la pluie Elle était très bonne sur le sec quand même malgré tout. Faut pas voir le Grand Prix de Pérez comme une validation du mauvaise forme de la Red Bull. Et le fait que Verstappen était bloqué ne veut pas dire que la voiture était pas bonne. Mais effectivement, Norris, c'est encore des places de perdu et puis c'est encore un peu de frustration en plus, quoi. Il s'est encore auto-flagellé à la fin de course parce qu'il se rend compte que c'est lui qui fait les erreurs. Il a dit que c'était embarrassant comme erreur et que voilà, il n'avait pas grand-chose d'autre à dire, quoi. C'est ça. Si un jour il vient en Auvergne, on lui offrirait une petite soupe aux orties. Je pense que ça lui irait bien comme petit repas. Ouais, c'est dur. Tellement il aime bien se flageller sur ses erreurs. C'est vrai qu'en plus, il se met tout seul dehors, quoi. Je veux dire, au premier virage, il n'y a vraiment personne. Alors certes, il craint qu'il y ait quelqu'un qui se mette, mais pour le coup, il n'y a vraiment personne à ses côtés. Et de lui-même, il va, 10, 15, 20 cm trop au large et perd plusieurs places, peut-être 2-3 places dans les graviers parce qu'il ne peut pas réaccélérer correctement. Heureusement, il ne part pas en toupie ou en tête à queue dans les graviers, hein, parce que un poil plus dans les graviers et puis c'était tête à queue derrière. Donc là, la course, elle est complètement ruinée. C'est ça. Et voilà, et effectivement, Norris se fait dépasser par Verstappen, mais on l'a dit en début d'émission, les quatre équipes étaient vraiment un mouchoir de poche en termes de rythme de course. Et c'est fini de voir la Red Bull dominatrice qui permet de remonter comme ça. D'un coup, et avec l'effet DRS qui était quand même un peu moindre cette année, et ben du coup, effectivement, on avait un peu plus de train DRS, on avait un peu plus de difficultés à dépasser. Et voilà, d'ailleurs, je crois que le seul vrai dépassement, ça a été celui de Piastri sur Leclerc. Sinon, à part ça, effectivement, ça a été extrêmement compliqué dans le groupe de tête, hein, je parle, pour dépasser. Et voilà, et du coup, Norris paye un petit peu son départ. Après, effectivement, il y a aussi des petits choix de stratégie, de moments d'arrêt au stand qui sont un peu discutables aussi. C'est pas optimisé, mais, je pense. Mais c'était quand même meilleur que la Hongrie, de ce côté-là. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, entre vous avez 8 voitures qui se tiennent dans un mouchoir de poche, il en faut bien classer une première et une huitième. Donc voilà, ça se joue à ça un peu. Ça se joue à pas grand-chose. Chaque petite erreur compte à ce niveau-là. Ah, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est vrai que le problème, c'est que dans un groupe si serré, la moindre erreur fait perdre 2-3 places comme ça tout de suite, quoi. Alors Lambo Diablo demande que peut faire McLaren, y compris les pilotes, pendant la pause pour s'améliorer. Travailler, ce qui est paradoxal puisqu'on essaie de faire prendre la pause à tout le monde. Mais en fait, eux, c'est que de l'opérationnel aujourd'hui le problème. Parce que c'est un coup les stratégies, un coup les pilotes, un coup le départ, un coup les arrêts. C'est jamais autre chose que ce qui se travaille. Donc c'est un peu l'avantage. Ils n'ont pas à trouver des problèmes, enfin à trouver des solutions à des problèmes qui seraient fondamentaux, parce que la voiture est très très bonne, les évolutions qu'ils apportent sont très très bonnes aussi, tout fonctionne, les pilotes sont rapides tout le temps. Par contre, il faut gommer encore ces erreurs, et ça c'est vrai que malheureusement, à part avec du travail, ça se fera pas. Et là, on voit la différence entre une équipe qui a passé 7-8 ans à remonter une pente, pendant que les équipes qu'elle affronte aujourd'hui étaient, elles, en train de se battre pour des championnats, parce que toutes les autres sont rodées à un niveau qui est vraiment meilleur que McLaren, et on ne peut pas en vouloir à McLaren pour ça, parce qu'ils n'étaient pas dans cette situation jusqu'à cette année. Hein. En fait, l'an dernier, ils se battaient un peu pour les podiums, mais c'était encore en deçà, et se battre pour des victoires et potentiellement des titres mondiaux, pour McLaren, c'est la première fois depuis le début des années 2010, et c'est plus du tout la même équipe, donc il faut qu'ils réapprennent ça, pendant que Red Bull et Mercedes et Ferrari se sont battus pour le titre, ou pas loin, sur ces 3 dernières saisons, quoi. Donc c'est un petit peu la différence qui se fait, et moi je pense que ça va le faire. C'est juste que McLaren a besoin de temps, et McLaren a des jeunes pilotes aussi. Il faut pas oublier que même si Norris commence à être un peu expérimenté, ils ont 24 et 22 ans, donc c'est tout un ensemble de choses, je pense, mais il n'y a rien de problématique. Le mental de Norris, je sais pas, Pierrot, il me semble un peu plus solide, il fait moins d'erreurs en qualif. J'ai l'impression que c'est plutôt que là, le départ, il a vu Piastri à sa droite et il s'est un peu paniqué en se disant qu'il voulait surtout pas le toucher. Après, comme il dit, hein, il a juste pris le vibreur et puis de là, la voiture était incontrôlable, elle est dans le gravier. C'est dommage parce que c'est une erreur qui arrive à très très basse vitesse, mais c'est pas une grosse erreur non plus, quoi. Après, ça reprend quand même des points à Red Bull derrière. Hein. Il marque 28 points, McLaren, contre 19 à Red Bull. D'ailleurs, Red Bull est l'équipe qui marque le moins de points du quatuor de tête. Hein. Parce que même Mercedes, bon, qui était parti quand même pour marquer 43 points, perd 10 points. Mais malgré ça, ils en marquent 25 quand même. Et c'est quand même plus que Red Bull. Donc voilà, il y a encore un resserrement qui aurait pu être encore plus net si Russell avait conservé sa victoire. Ça aurait été vraiment un gros resserrement au championnat. On aurait eu... je veux dire, entre Red Bull 400, c'était quoi, 404 points avant la disqualification de Russell, et Mercedes, on était à 284, je crois. Voilà, on était à 120 points d'écart entre le premier et le quatrième, quoi, ce qui est du jamais vu depuis très très longtemps. Et voilà, à force de reprendre des 10 points par-ci, voilà, fois 10 courses, vous le faites à la différence. Donc, donc voilà, c'est là que la solidité des duos sera hyper importante sur la deuxième partie de saison, et on en reparlera notamment au moment de Red Bull. C'est ça. Pierrot demande, pensez-vous que Piastri peut rattraper Norris s'il n'y a pas de consigne chez McLaren? Oui, il n'est pas très loin, il a une trentaine de points maintenant, 36 points je crois de mémoire. Oui. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer Norris non plus, qui a fait 2 courses moins bonnes, mais qui est quand même la valeur sûre de McLaren sur beaucoup de courses depuis le début de saison. Donc à confirmer et à infirmer pour l'autre. Hein. Oui, c'est vrai que Norris perd 2 points sur Verstappen au championnat pilote. Ça me paraît quand même un peu compliqué pour Norris, champion pilote, si ça continue d'être devant, surtout si Mercedes commence à prendre des victoires. Ça va vraiment favoriser pour le coup Verstappen. Je pense que s'il y en a bien qui se réjouit de la compétitivité de Mercedes, c'est bien Verstappen. Une compétitivité juste au-dessus de Red Bull, ce serait inquiétant pour lui parce que ce serait des points intermédiaires de prix, mais là ils prennent des gros points à chaque fois. Donc. C'est ça. Donc du coup voilà, ça sert Verstappen pour le coup, et voilà, donc ça fait 10 fois 25 points encore à prendre, 250 plus quelques sprints, je sais plus combien, 3 sprints peut-être. Oui. Donc 3 fois 8 24, donc encore 274 points à prendre, il y a comme 78 points d'avance. Ouais, ça fait quand même un bon tiers, on va dire un tiers du matelas qui est assuré, qui peut se perdre comme ça en s'évanouissant. Maintenant, il suffit d'un abandon, d'un accrochage et ça se retrouve à jouer. Mais tant que McLaren ne joue pas 2-3 victoires de suite en dominant nettement le peloton, Je pense pas qu'il y aura de consignes pour favoriser Norris plutôt que Piastri en fait. Non. Si Mercedes continue à prendre des victoires et que c'est une fois McLaren, une fois Mercedes, une fois Red Bull, il y aura pas de consignes pour favoriser Norris clairement. Je pense pas. Enfin, je le vois pas non plus. Je le vois pas comme ça. C'est un peu trop tard pour le championnat pilote pour McLaren. Mais par contre, le championnat constructeur, oui, totalement jouable. J'ai répondu à la question de Vardoron qui demande est-ce qu'on peut espérer une bataille pour les constructeurs. Absolument. Hein. Il y a une quarantaine de points. D'écart, c'est que dalle, c'est moins d'un doublé pour le coup. Donc là, on en est vraiment à un point, sachant que Perez est toujours pas une valeur sûre chez Red Bull. Le titre constructeur est même plutôt favorable à McLaren aujourd'hui, dans la dynamique des choses. Hein. Je sais plus, j'ai vu les chiffres les 5 dernières courses, mais je crois qu'ils reprennent, ils reprennent justement une quarantaine de points. Donc en fait, à ce rythme-là, au milieu de la deuxième partie de saison, on pourrait avoir les deux équipes à égalité. Donc oui, c'est largement jouable et c'est ce qui va être le gros enjeu de cette fin de saison, je pense. Mercedes, eux, ne savent qu'ils sont trop loin, donc pour eux, c'est juste on veut jouer le maximum de victoires et puis on verra bien où ça nous mène. Mais McLaren, il y a ce côté où justement ils peuvent espérer au moins avoir un premier titre constructeur depuis 2000. Premier titre tout court depuis 2008. Donc ce serait le premier titre constructeur depuis 98. Donc ça remonte un petit peu. Et effectivement, Philou demande, pensez-vous que Norris n'aurait pas intérêt à changer de team pour changer d'air et travailler sur mental? Je ne pense pas. L'équipe est très bonne, il s'y sent très bien, les gens autour de lui donnent les outils qu'il faut. Pour moi, c'est juste des défauts à corriger, il faut juste arriver à les faire. Mais changer d'équipe pour aller où? Chez Mercedes, il sera face à quelqu'un qui sera au moins aussi bon que lui. Chez Ferrari, c'est bouché, et voilà. Et chez Red Bull, il risque de se faire détruire par Verstappen, donc il y a pas. Et puis les autres équipes sont largement moins bonnes en fait, donc c'est pas bon. Après, c'est clair qu'en début de saison, c'est où voulez-vous aller, c'est Red Bull et Ferrari. Mais où voulez-vous aller, c'est McLaren et Mercedes. C'est ça quand même, c'est assez dingue. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est assez fou. Et effectivement, après le débat de Philou et Étoile Polaire qui disent que ni Norris ni Leclerc n'a le potentiel pour être champion du monde, c'est sûr que c'est compliqué de tenir 25 Grands Prix face à un Hamilton ou un Verstappen, comme on les a vus en 2021, où on sait qu'eux seront tous les week-ends au rendez-vous sans faire d'erreur ou quasiment pas. Quoi. Mais bon, ça après, c'est aussi l'expérience qui parle, hein, dans tous les cas. Oui, et puis le fait d'évoluer tout le temps devant aussi, ça aide aussi à se forger ce genre de choses. Ouais. Quand vous êtes un petit peu dans le peloton ou à l'attaque, ou vous êtes obligé de prendre des risques, forcément vous faites des erreurs, forcément vous faites des fautes, et voilà, des risques et des erreurs que ne font pas les pilotes qui évoluent tout le temps devant. On a pas vu Verstappen pendant quasiment 2 ans de suite, a évolué quasiment tout le temps devant. Il n'a pas eu à forcer son talent ni prendre trop de risques. Mmh. Et évidemment, il pouvait enchaîner. Maintenant, vous voyez bien que Verstappen au milieu du peloton, ça coince un peu, ça râle à la radio, ça fait des erreurs. Voilà, c'est logique, c'est tout à fait logique. Donc, maintenant, vous avez mis une Ferrari un petit peu dominatrice devant, Leclerc qui enchaîne 5-6 victoires de suite, on dira, quand même. Voilà. C'est juste une question de position en piste et de défis que vous avez à affronter devant vous dans chaque course. C'est tout. Et plus une équipe va être devant, plus les pilotes vont être bons, et il faut s'attendre à ce que McLaren corrige un paquet de ses erreurs au fil de la deuxième partie de saison. Et aussi, l'objectif pour eux, ce sera d'être à ce niveau-là et prêt l'an prochain. Maintenant, c'est vrai que, comme disait, je ne sais plus quel consultant, parce que Gaëtan Junior, on a eu plusieurs ce week-end, mais il y en a un de ces consultants qui disait c'est dommage de ne pas avoir fait de consigne en Hongrie, parce que même s'il y a une toute petite chance pour Norris de titre, il y a une chance, et en fait, on ne sait jamais quand la chance suivante arrivera, et ça aurait été pas une mauvaise idée de tenter de remarquer des points en plus. Mais bon, après, pour moi, je pense qu'il n'y a pas non plus de problème. Elle n'aurait pas été très très faire celle-là, surtout pour une première de Piastri. Ouais, c'est ça, c'est un peu le problème. Après, déjà qu'elle a été dévalorisée comme ça, sa victoire par rapport à toute la polémique. Ouais. D'ailleurs, Norris l'a bien souligné, d'ailleurs, jeudi à Spa en arrivant, j'ai vraiment été stupide. Voilà, j'ai bien conscience que j'ai un peu foiré la victoire d'Oscar avec cette polémique. Donc, mais bon, le mal est fait quand même, quoi. Ça restera la première victoire un peu douchée par ça, quoi. Ouais, et Philou dit, pour moi, l'association Norris-McLaren ne sera jamais champion du monde, à moins d'avoir une voiture type RB20, mais la RB20 n'est pas forcément une voiture de champion du monde non plus. Hein. Pas en tout cas plus comme elle l'est maintenant. La RB20 est une voiture qui va être champion du monde pilote, possiblement, parce qu'en début de saison, elle était avec un cran d'avance, mais la RB20 telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas une voiture qui a forcément de champion de matériel, donc... Mais oui, après Lord Phoenix, si Norris perd le championnat pour moins 7 points, ce serait une autre histoire. Mais en même temps, ça pourrait être 7 points qu'on trouve ailleurs. On trouve dans des erreurs plutôt dans la saison. une saison, c'est 24 courses, hein, tout se résumera pas à la Hongrie. Donc, oui, il a perdu des points là, sur cette course-là en faisant une erreur au départ. Voilà, ouais. Aussi, clairement, tu peux un peu plus dire que ça se résume à une course quand c'est la dernière, c'est-à-dire que les deux pilotes sont à égalité ou proches et le titre se joue. Il y en a un qui fait une connerie, bah oui, il perd le championnat là parce qu'il le perd face à son rival. Ou si Massi arrive. Voilà, exactement. Si Massi crache, Massi arrive en directeur. Tout peut arriver très vite. mais par contre, quand c'est comme ça, tu as un écart énorme qui n'arrive pas à combler. Tu peux difficilement dire c'est à tel Grand Prix qu'ils l'ont perdu. Parce que, oui. Si tu as été irréprochable toute la saison et qu'effectivement tu la perds pour 7 points et que c'est à cause de ça, oui, tu peux le dire. Mais c'est largement pas le cas de Norris et de qui que ce soit. Norris, il finit 5e ce week-end. S'il n'avait pas perdu ses 3 places au départ, on peut potentiellement finir dire qu'il terminerait 2e, c'est 8 points d'écart. Donc tes 8 points, tu les as là aussi. Voilà, tout simplement. C'est ça. Tu pourras dire que les 7 points, il perd le titre là-dessus, si et uniquement si, sur les 23 autres courses, il a été irréprochable, ce qui est loin d'être le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec le raisonnement de Manu. Tu peux effectivement. C'est comme les tirs au but au foot, en fait. C'est exactement ça. C'est le premier qui perd qui a. Voilà, mais si t'as pas été réprochable avant, t'as pas gagné le match avant, quoi. Donc, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc là, en fait, il est déjà dans une position de défaite potentielle parce que justement, il y a eu plein d'erreurs de fait chez McLaren, y compris de sa part. Donc, mais c'est pas grave, ils apprennent. Et puis encore une fois, même en début de saison, la voiture était pas si bonne et je suis sûr que personne chez McLaren ne serait imaginé à l'instant qu'on parle d'eux comme des champions potentiels. Donc voilà, il faut de la patience, il faut qu'ils travaillent et qu'ils surtout gardent ce niveau-là l'an prochain. Et l'an prochain, à ce moment-là, ils pourront en parler dès le début de saison. Mais du coup, ils vont bien foirer leur monoplace 2026 parce qu'ils se retrouvent premiers en championnat. c'est pas terrible pour la Terre. je ne veux rien savoir. Voilà. Après McLaren, eux, il n'y a pas de rumeur, pas de bruit. Hein. Les deux pilotes sont là pour long terme. À chaque fois, on en parle, mais c'est un peu la série. C'est plutôt en IndyCar le problème des pilotes, c'est pas oui, trop. Oui, IndyCar, c'est autre chose. En IndyCar, en Formule 1, c'est un peu. Non, en Formule 1, ça va, mais IndyCar surtout. Mais bon. Donc voilà, la troisième équipe dont nous allons parler, c'est Ferrari, avec Charles Leclerc, donc, qui a franchi la ligne quatrième, qui termine donc troisième. Carlos Sainz, c'est sixième. C'était pas mal parce que finalement ça tendait bien à pire. Leclerc a fait un tour de qualif incroyable. Hein. Encore une fois, il sort un tour le samedi qui est. Voilà, on n'a pas 25 pôles en Formule 1 pour rien et il le prouve. Hein. C'est un super, super qualifieur. À quelques dixièmes quand même de Verstappen, hein. Faut pas l'oublier. C'est vrai. Oui, alors c'est vrai qu'après Verstappen était vraiment tout ça, mais le tour de Leclerc par rapport au potentiel de sa voiture, je pense qu'on est sur quelque chose de vraiment ultra, ultra optimisé. Et même le rythme de course après derrière de la Ferrari était vraiment bien aussi. Ça passe pas loin de la victoire, hein. C'est ce que dit Vasseur d'ailleurs. Il pensait un petit dixième de plus. Avant, il parlait de 2-3 dixièmes. Là, sur cette course-là, un petit dixième de plus sur un tour. Et ça jouait vraiment la gagne. Hein. Donc c'est mieux. Alors, on s'attendait pas on s'attendait effectivement à ce que Ferrari réduise un petit peu son problème de rebond à Spa. Et c'est le cas, c'est confirmé. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé la bonne voie aussi. Donc ça veut dire qu'effectivement, que les évolutions qui vont sortir donc, à la rentrée. Et on peut imaginer qu'il y aura un bon petit lot d'évolution à Monza. Parce que Leclerc a déjà plus ou moins confié qu'il n'y aurait un peu rien à Zandvoort. Donc je pense qu'il y aura un bon petit package à Monza. Et vu où est la monoplace aujourd'hui, le problème de rebond un peu plus maîtrisé que ce qui s'est passé depuis l'Espagne, ils se remettent un peu dans le droit chemin. Donc toutes les quatre équipes, effectivement, un peu dans un couloir de poche. Donc ça aurait pu bien jouer. Quoi. Ouais, non, c'est ça. Hein. Franchement, ça aurait pu être. C'est pas mal, globalement, ce qu'a fait Ferrari. On sent qu'ils arrivent quand même à faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'an dernier, en 2022. C'est que quand il y a un mauvais développement, derrière, on arrive à faire un meilleur développement et repartir vers quelque chose de positif. Et ça, c'est vrai que c'est un peu rassurant. Et Tolpola dit Charlie, quand il est à la pole, il y a 3 chances sur 4 de foirer le départ. Alors faut savoir qu'avoir la pole à Spa-Francorchamps, c'est cruel hein, parce que il y a la première épingle et derrière c'est 2 km de ligne droite avec de pleine charge quasiment. Et il l'a bien maîtrisé cette fois. Il l'a bien maîtrisé, ouais. Donc non, franchement, il est irréprochable. C'est pas. Leclerc a souvent plus a eu la malchance d'avoir une voiture qui n'était pas très bonne en rythme de course plutôt que réellement que ce soit de sa faute. Il avait fait aussi des erreurs, mais faut pas le ratio de pole victoire de Leclerc est un peu cruel par rapport à son talent pur, je trouve. Après, il n'était pas très content au global de la fin de la course parce que forcément, il espérait mieux. Bah oui. Il se voyait jouer la victoire et nous aussi. Hein, au bout d'un moment, même jusqu'à la mi-course, il était effectivement en lice pour ça aussi. Hein, donc c'est clair qu'il pouvait être un peu frustré aussi, mais par rapport où là où Ferrari était il y a encore 2-3 courses, à se chercher un peu et à se demander s'ils n'avaient pas perdu pied cette saison, on peut vraiment être rassuré par leur course à Spa. Donc, moi, je vois plutôt les choses, le verre à moitié plein pour Ferrari qu'à moitié vide après cette course-là, en tout cas. Oui, c'est possible. Framboisier demande à l'effet Vasseur que Ferrari soit plus stable, et Filou demande dans la presse italienne, Vasseur est comparé à Binotto en mode ça marche pas, faut qu'on comprenne, et il répète ça en boucle. Alors, moi je suis d'accord avec Framboisier, l'effet Vasseur, je pense qu'il est là. Hein. De toute façon, il y a à mon avis cette sérénité et cette volonté d'aller vers l'avant et de progresser de Ferrari, et le fait que ça fonctionne, c'est du Vasseur. Le fait qu'il dise ça marche pas, faut qu'on comprenne, la différence, c'est que Ferrari sous Vasseur comprend pourquoi ça ne marche pas, Oui. et corrige les défauts. Parce que Binotto, il fallait qu'on comprenne, et puis en fait, c'était surtout, on minimise les objectifs le temps de comprendre. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout, bah du coup, c'est pas grave, on ne joue pas le titre alors qu'on est quasiment en tête du championnat. Là, c'est l'inverse. Là, on est sur une équipe qui est outsider, qui a fait un peu mieux à un moment de la saison, mais qui, voilà, Vasseur était en se disant, on va voir ce qui se passe, mais l'équipe progresse. C'est-à-dire que il a dit, on comprend pas, ça marche pas, il faut qu'on comprenne. Il l'a dit après les évolutions de Barcelone. En Hongrie, ils ont amené une évolution pour contrer le problème, et en Belgique, on voit que c'est réglé. Donc, en fait, ils comprennent. Du coup, Billy Gordy, tu dis, j'ai peur qu'il rentre dans cette boucle infinie. C'est pas une boucle infinie du tout, parce qu'en fait, il a déjà brisé le cercle du ça marche pas, faut qu'on comprenne. Il Ils y ont a une compris le grosse force, problème ouais. et c'est Ouais, passé à autre chose. il y a une grosse force du collectif aussi chez Ferrari, puisque autant vous avez un James Allison chez Mercedes, un Dan Fallows chez Aston, un Adrian Newey ou un Pierre Vacher maintenant chez Red Bull, chez McLaren, qui c'est qui y a maintenant, la Prodrome ou Marshall, voilà, Ouais. il y a un grand nom un peu partout. Chez Ferrari, il y a pas de... bon, il y a Cardinale qui est parti, mais c'est pas le grand nom. Enfin, c'est vraiment un collectif chez Ferrari qui conçoit cette monoplace. C'est vraiment un trio d'ailleurs qui était responsable de la voiture. Et ça prouve bien que l'ensemble est harmonieux et fonctionne bien ensemble. Donc, ils n'ont pas besoin d'une grosse tête pensante pour que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas comme ça que ça marche actuellement chez Ferrari. Et donc, la méthode Vasseur, qui est un peu différente du coup de celle de Binotto, fait que tout ce groupe se gélifie en ce moment autour. Et c'est aussi pour ça qu'il reste prudent d'ailleurs sur les rumeurs concernant l'arrivée de Newey et tout ça. Donc, un Newey directeur technique qui viendrait tout bouleverser, non. Un Newey qui viendrait appuyer un groupe qui se fortifie, oui. Donc voilà, c'est aussi un peu la force de la méthode Vasseur. Donc oui, certes, il n'est pas en train de cracher sur son équipe après chaque Grand Prix en disant on n'a pas gagné encore et tout ça et tout ça. C'est pas comme ça qu'on fait fonctionner une équipe de F1, quoi. Ça, c'est la méthode Lawrence Stroll. C'est pas la méthode à adopter pour avancer. Alors, chez Lawrence Stroll, ça gueule. Chez Alpine, ça vire sans Ouais, en fait, prévenir. j'allais dire, même le fait de gueuler comme ça, c'est la méthode Laurent Rossi. On a vu ce que ça a donné. Hein, c'est pas... C'est ça, Et exactement. Vasseur avait été interviewé il y a pas longtemps, à sujet, interrogé, pardon, à sujet. On lui avait demandé, est-ce que des fois, vous prenez trop les choses un peu à la rigolade et tout. Il a dit, de toute façon, les conférences de presse, je suis pas là pour tirer à boulet rouge sur l'équipe, en fait. Ben Et moi, je comprends totalement. Qu'est-ce que ça apporterait, à part de se donner à lui, égoïstement, une image de. Bah de ce qu'a voulu se donner Rossi l'an dernier en disant qu'il y avait du dilettantisme, etc. C'est genre, moi, en gros, je suis le patron et c'est moi qui viens dire machin, machin, machin, je distribue les mauvaises cartes, mais ça ne rapporte rien à l'équipe. C'est très tout le égoïste. contraire, c'est Ouais. juste même foutre le trouble entre tout le monde, se discuter entre les bruits de couloir, les machins, Et et le. se rejeter la faute. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire, quoi. Exactement. Et le seul qui en sortirait grandi serait Vasseur. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est une attitude de vrai patron. C'est-à-dire que dans le. Je suis sûr qu'il a poussé des coups de gueule. Alors, honnêtement, c'est Vasseur. Hein. N'imaginez pas qu'il n'y ait pas un coup de gueule qui soit parti depuis 1 an et demi qu'il est chez Ferrari. À mon avis, il y en a eu plus qu'un. Par contre, bah, il a raison. En fait, il a aucun intérêt à le faire en public. Et en public, il dit bah, on est une équipe, on fonctionne en équipe. Quand ça marche pas, on perd ensemble. Quand ça gagne, on gagne ensemble. Et le fait est que l'équipe est vachement plus soudée qu'elle ne l'était il y a quelques temps. Donc. Mais je suis totalement pour Un ce que fait management Vasseur. à Toto Wolff, un petit peu. Sauf que Toto Exactement. Wolff a quand même cette petite zone d'humeur, d'optimisme ou de pessimisme, des fois, Ouais. qui... Mais bon, ça reste en général cantonné sur lui-même, Ouais, et puis quand pas... c'est vraiment un problème qui dure, ou alors quand il y Ouais. avait eu par exemple des accrochages réellement, quand il y avait double abandon sur accrochage, il était vraiment violent, mais je pense Mais que les. il n'a jamais désigné qui que ce soit du doigt directement. Non. Même si Mike Elliott en a plus ou moins fait les frais, ça s'est fait vraiment dans la douceur et la tranquillité. C'est on inverse les postes et puis Dans le après il est respect. parti. Voilà, c'était vraiment dans le respect des gens. Le respect que vous ne retrouverez pas chez Alpine, que vous ne retrouverez pas chez Aston Martin aussi, j'en suis sûr. Parce qu'on a déjà vu hein, des Lawrence Stroll dans Netflix, voilà, dire je veux ci, je veux ça, et si c'est pas fait, voilà. et vous me copiez les Mercedes, vous me faites ci, vous me faites ça, et puis ils cherchent même pas à comprendre quelles sont les options derrière. Mmh. Et voilà, des patrons dictateurs en Formule 1, ça marche plus, quoi. Non. Donc, Ron Dennis aussi était un bon exemple de tout ça. Donc, Ron Dennis était un bon exemple de tout ça, et ça a aussi été un bon exemple du fait que ça ne fonctionnait plus, puisqu'il a essayé de diriger l'équipe comme ça dans les années 2010, et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, ah oui. Il faut bien se rendre compte que ça, c'est un. Voilà, c'est les Frank Williams, les Rock Dennis, c'est peut-être Flavio Briatore, mais ça, c'est dans les années 2000, c'était le plus tard que ça ait fonctionné, et encore, ça n'a pas fonctionné pour tout le monde dans les années 2000. Ouais, le management des équipes de F1 se rapproche beaucoup du management des entreprises, d'ailleurs, actuel. Hein. Ouais. On est vraiment voilà, dans l'aspect voilà, bien-être au travail. Bon, je ne veux pas dire qu'ils ont chacun une salle de billard et qu'ils peuvent passer 3 heures dans la salle de billard s'ils ont envie, comme chez Google ou autre, mais voilà, c'est vraiment du management dans le respect, dans l'écoute, dans l'échange, dans le fait qu'on n'a pas peur de l'échec, voilà. Il faut tenter, il faut pas avoir peur de. Mmh. Parce que si vous avez peur d'échouer, vous n'osez pas, et si vous n'osez pas, bah, vous allez chercher ouais. Pas l'année dixième qui compte. Donc voilà, c'est un management pour moi qui est le seul qui a fait ses preuves, en tout cas récemment en Formule 1. Mmh. Et de toute façon, si tu veux, comme tu disais, si tu veux pas échouer, il faut tenter des trucs, il faut avoir de l'audace. Si tu veux de l'audace, il faut de la confiance. Et la confiance, tu l'as pas avec un patron qui divise pour mieux régner. Donc moi, je. Et franchement, oui, Vasseur se met peut-être un peu en danger avec ça, parce que, pas dans un court terme, mais on sait que la Ferrari, quand ça marche pas sur plusieurs années, et que le patron. Ce que faisait Todd aussi, hein, Todd était très, comment dire, il lissait beaucoup les choses quand il est arrivé chez Ferrari. Il disait qu'il y avait des choses qu'il n'y avait pas, mais il disait jamais vraiment quoi. C'était très posé, très calme et tout. Et c'est ce qui lui a valu d'avoir plusieurs années à risquer de se faire virer de chez Ferrari avant que bah, finalement ils enchaînent 5 titres consécutifs. Donc il faut aussi que les Italiens apprennent un petit peu à se détendre et puis de toute façon à se rendre compte que la dernière fois qu'ils ont eu des patrons qui étaient un peu plus gueulards et tout, ça ne s'est pas bien passé non plus. Donc. Moi, je pense que c'est vraiment le bon patron pour Ferrari. Et de toute façon, son bilan depuis son arrivée, nous, on était les premiers à être sceptiques en début de saison 2023. On avait fait un mea culpa ensuite parce qu'on s'était rendu compte que sa manière de faire était bonne. Mais le bilan de Vasseur chez Ferrari, il est très, très bon. Pour l'instant, il n'y a absolument rien à dire. L'équipe est en progression. Ils ont corrigé plein de problèmes qu'il y avait sur la manière de faire les choses, sur la manière de faire fonctionner la voiture. Donc, et encore une fois, l'an prochain, ils auront un duo Leclerc-Hamilton. Excusez-moi, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, en fait, c'est. Je vois le bilan de Vasseur, il est incroyable. Je comprends l'impatience des gens sur le fait que par rapport à Binotto, c'est pas beaucoup mieux. J'ai en termes de victoire, ouais. De podium, il n'y a pas effectivement ça. Mais il y avait un tel gap à faire avec l'équipe, notamment Red Bull, hein, qui dominait clairement. Oui. Que c'était de toute façon très difficile de renverser comme ça d'un coup. Donc là, le but, c'était de remettre des bases capables d'aller chatouiller ces équipes-là. Et les bases sont là maintenant. Donc effectivement, oui, ça n'a pas beaucoup plus gagné ou ça n'a pas beaucoup plus de podium que sous l'ère Binotto. Mais c'est juste là, quoi. C'est plus à une seconde derrière. C'est plus à 6 dixièmes derrière. Ouais, c'est ça. À 1 dixième derrière, voilà. C'est ça. Alors Billy Gordy demande, pour l'instant, Vasseur n'est pas critiqué. Bah si, évidemment, c'est l'Italie. Donc dès que Ferrari ne fonctionne pas, les dirigeants sont critiqués. Mais c'est pas grave, il va pas se faire virer demain. Hein. C'est pas énorme non plus, hein, les critiques. Non, ça reste. Parce que quand ça commence à vraiment gueuler, ça se répand un peu dans la presse internationale. Oui. Ça reste pas qu'en Italie. Pour l'instant, ça reste assez mesuré. C'est plus polémique de comptoir du niveau PMU du lundi matin que. Ouais, c'est quelques journalistes qui essaient de faire des gros titres aussi. Voilà. Il y a ça, hein. Que la tête de Vasseur qui réclamait à corps et à cri par tous les journalistes italiens. On est très, très, très, très loin. Carrément. Et je pense que de toute façon, avec la physionomie du championnat, on va avoir de très bons résultats de Ferrari sur la deuxième partie de saison. Il y aura aussi des courses plus difficiles parce que c'est des voitures qui n'est pas partout bonne. Mais je les vois très bien faire encore des podiums et potentiellement jouer une ou deux victoires. Hein. Moi, j'exclus pas par exemple qu'à Singapour, Ferrari ne joue pas le doublé hein, parce que ce sera un circuit sinueux, bosselé. On sait que la voiture, elle adore ça. Les pilotes sont très bons. Ils ont tous les deux signé des pôles ou gagné à Singapour par le passé. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur des circuits comme ça et ce ne sera pas le seul. Donc, ça va être une très bonne fin de saison. Après, ben, encore une fois, entre la deuxième et la quatrième place du championnat, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose et c'est très serré. Donc, l'an prochain, ce sera pire, hein, je vous annonce. Alka dit Binotto a une pression différente que Vasseur. Binotto se mettait tout seul une pression différente parce qu'en fait il avait une com qui faisait que derrière on lui mettait la pression, c'était un peu différent. La pression en elle-même elle était pas bien différente, hein. Ferrari revenait de, enfin ça dépend quand tu parles, mais globalement 2019 c'est une bonne saison, 2020 il y a le problème du moteur, 2021 il remonte et 2022 ils sont au niveau, donc la pression elle était pas bien différente de celle qu'on met à Vasseur. En tout cas, voilà pour Ferrari. Au niveau des transferts, bah, c'est pareil, c'est réglé pour l'an prochain, donc pas de news. Nous allons passer à Red Bull, où là, par contre, en piste et hors piste, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé. Alors, Max Verstappen termine 4e, Sergio Perez termine 7e. Il s'est lancé respectivement 11e et 2e sur la grille. Donc, Max Verstappen a été incroyable le samedi. Vous pouvez clipper ça, hein, puisque tout le monde me dit que je suis très, très méchant avec Verstappen, mais je suis aussi reconnaître son talent. Il a été hallucinant en qualification. Il avait tout le temps, c'est ce qu'on s'est dit, hein, il était immédiatement rapide sous la pluie. Son premier tour était rapide. Le premier tour, il accélère, il prend quasiment une seconde. Et puis derrière, en qualif, il est toujours avec un. Il y a toujours 3 à 5 dixièmes de matelas sur les autres dès son premier tour. Donc, oui, vu son rythme sur le sec, même le vendredi, plus son rythme, on le voyait vraiment remonter comme une boulet de canon en course. Ouais. Mais. Voilà. Mais voilà. Et c'est vrai que donc, ça a été assez incroyable cette qualification. Il était intouchable. Et puis, bah, effectivement, ils avaient décidé de prendre la pénalité à ce moment-là de la saison. C'est vrai qu'ils pensaient que ce serait le meilleur circuit pour ça. Ça a été un peu compliqué. Finalement, il sauve une 4e place et 12 points grâce à la disqualification de Russell. C'est pas un mauvais week-end. Il a dit lui-même je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux compte tenu de la physionomie de la course. Et il était plutôt satisfait de son week-end par rapport au fait qu'il a quand même réussi à continuer à prendre de l'avance sur un week-end où il prenait 10 places de pénalité. Donc pour lui, c'était pas. Non, il n'avait pas une voiture réglée pour la pluie. Zolis, personne n'avait de voiture réglée pour la pluie. C'était pas possible. Tu peux pas. Enfin, la F1 actuelle oblige à privilégier la course et ça a toujours été prévu pour que ce soit sec le dimanche. Donc les équipes ne font pas de pari. Alors, ça peut arriver s'il y a des risques de pluie. C'était le cas à Silverstone, je crois. Ou à Montréal, je sais plus, il y avait Steak qui était parti, non, une équipe qui était partie, non, c'était Montréal, puisque c'était As qui était parti avec des réglages un peu plus pluie et surtout avec des pneus pluie. Juste l'avantage de la Red Bull, c'est qu'elle est très rapide en ligne droite, donc ils ont pu mettre un peu plus d'ailerons que d'autres pour avoir la même vitesse de pointe que les autres. Donc, du coup, effectivement, ils avaient plus d'appui dans les secteurs intermédiaires tout en gardant une vitesse maximum qui était au niveau de celle des autres. Donc, du coup, c'est aussi un peu pour ça. Ils avaient un peu plus d'appui du coup pour la pluie. Mais c'est vraiment dû à sa force qui est effectivement d'avoir une moindre traînée aéro par rapport aux autres monoplaces. Donc en se calant sur la Vmax des autres, on a un peu plus d'appui que les autres. Donc ça reste encore une des forces de la RB20. Mais on voit quand même que il aurait fallu qu'ils aient des réglages similaires aux autres s'ils avaient voulu. Parce que je pense qu'avec des réglages similaires aux autres et plus de vitesse de pointe, il aurait pu mieux remonter aussi. Donc là, on voit que le trade-off qu'ils ont, le compromis qu'ils ont tenté à dire on met quand même de l'appui et tout ça, finalement, c'était pas si bon que ça. Ah, l'effet DRS était pas du tout celui escompté. En fait, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de trains DRS, hein, il y a eu beaucoup de pendant très longtemps dans la course, toutes les voitures se suivaient avec le DRS. Et donc, du coup, Max pouvait pas forcément beaucoup en profiter. Hein. Il est resté très longtemps, je crois. Il a gagné 2-3 places au départ. Après, il est resté très longtemps, 8e et 7e. Ça n'a vraiment basculé qu'au moment des changements de pneus. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait pas non plus la voiture capable de remonter davantage. Et voilà. D'ailleurs, il n'avait pas la voiture la plus rapide de la course non plus, clairement. Donc, il a eu effectivement son petit moment. A signé son meilleur tour en course comme d'habitude quand il met les pneus neufs, mais ça n'a pas tenu bien longtemps puisque Perez du coup en a profité pour le reprendre en fin de Grand Prix avec un troisième arrêt Red Bull n'est plus du tout la force dominante qu'elle était encore en début de saison et voilà et même tout Max Verstappen qu'il est sur son circuit fétiche Spa-Francorchamps. Voilà, ça peut pas faire des remontées 11e premier voilà, mais s'il avait réussi à le faire, ça aurait été un record historique d'ailleurs parce que ils sont deux pilotes à avoir gagné depuis 9 places différentes, c'est Fernando Alonso et Max Verstappen, donc ils ont gagné au moins un grand prix depuis 9 places différentes sur la grille. Et si Verstappen avait réussi à gagner depuis la 11e place, qu'il n'a jamais réussi à faire, ça aurait été une 10e victoire depuis une place différente. Mais voilà, c'est pas encore pour. Il va falloir attendre qu'il se requalifie 11e ailleurs ou sur une autre place pour qu'il réussisse à prendre ce record qui se partage avec Alonso. Donc, la Red Bull, elle manque un peu d'équilibre encore. Hein. Clairement, c'est encore ce qui a été souligné pendant le week-end. Il y a la perf qui est encore là, mais l'équilibre, il est pas terrible. Donc, et pour une équipe pas terrible en course, c'est pas GG. À noter qu'il était revenu au capot moteur avec Canon Cooling quand même pour ce Grand Prix. Comme on l'avait prévu, hein, de toute façon, on s'était dit qu'on verrait sûrement la voiture sans Canon Cooling à Zandvoort, hein, du coup. C'est ça, donc voilà. Hein, Verstappen a demandé en Hongrie à ses ingénieurs de se réveiller. Ils ont sorti des grosses évolutions, mais qui ne suivent pas. Hein. Elles ne suffisent pas du tout, même. Donc voilà, c'est. Est-ce qu'on commence à parler un peu de l'effet départ de Niue? C'est possible. Parce que Niue, ça fait quand même déjà quelques mois qu'il ne travaille plus du tout sur la monoplace et ses évolutions. Certains se disent même que Red Bull serait prêt à refaire une offre à Niue, mais bon, je pense que Niue et Red Bull, c'est plus possible que ça se reforme. Mais voilà, peut-être que c'est lié et qu'ils sont un petit peu perdus par ça. Voilà, il faut faire avec. Et du coup, le vrai niveau de Red Bull, c'est celui de Perez, du coup, hein, qui a régressé, du coup, comme tu l'as bien dit, de la deuxième à la huitième place sous le drapeau d'Amier, septième place suite à la disqualification de Russell. Mmh. Et on a bien cru, quand même, que Perez, on allait voir son dernier Grand Prix de F1. Et finalement, comme les choses sont bien faites, nous savons déjà depuis hier soir qu'il restera finalement au sein de son baquet pour la suite de la saison. Alors déjà, est-ce que quelqu'un comprend cette décision? Parce que moi, personnellement, je ne la comprends pas. Personne ne la comprend vraiment. Je veux dire, tout le monde sait que c'est très politique concernant un peu Perez. Effectivement, il y a la puissance des sponsors de Perez. Il y a le fait que est-ce qu'il y a vraiment une meilleure alternative au sein du giron Red Bull? C'est-à-dire, est-ce qu'on risque de cramer Liam Lawson maintenant? Est-ce qu'un Daniel Ricciardo ferait mieux? Tout là pour le coup, ça a l'air d'être exclu. Je sais pas pourquoi ils veulent vraiment pas le promouvoir là-bas. Je pense qu'il est trop connoté Honda pour pouvoir un jour passer chez Red Bull ce garçon, mais bon. Ma foi, il faut l'accepter. Pourtant, il y a quand même un an et demi à faire avec un moteur Honda. Ça aurait été quand même bien sympa d'aller le voir chez Red Bull Honda. Hein. Moi, je suis très circonspect par ces. C'est ça. C'est aussi très très politique. Quand on voit Marco qui étrille comme c'est pas permis dans la presse, Perez et ses performances, et que vous avez Horner le dimanche soir qui dit ouais, mais on est là encore pour soutenir Checo et tout. On sait très bien que c'est Horner et les actionnaires thaïlandais qui maintenant ont leur mot à dire par rapport aux Autrichiens. Donc c'est lui qui impose sa vision. Et comme il se dit aussi, sans Perez, vous écroulez aussi tout un système derrière qui est le Red Bull au Mexique et le Grand Prix du Mexique aussi. Ce qui fait dire d'ailleurs dans le paddock que Liberty aurait fait pression pour que Red Bull garde Perez. Au moins jusqu'au Grand Prix du Mexique, parce que je pense qu'un Grand Prix du Mexique sans Perez, je ne pense pas que vous remplissiez les tribunes. Je ne sais pas jusqu'à quand est le contrat du Grand Prix du Mexique. Ce serait très intéressant d'avoir l'information, mais on ne veut pas maintenir Perez juste parce qu'il est mexicain et que c'est lui qui sauve un Grand Prix. Tout aussi important qu'il est pour la FOM. Donc, voilà, bon, des décisions extrêmement... pas incompréhensible. Pour moi, la seule alternative valable, c'était de mettre un Carlos Sainz, d'aller chercher Carlos Sainz, de le signer pour plusieurs années, de lui offrir ce paquet chez Red Bull aux côtés de Verstappen, et de voir ce que vaut effectivement Verstappen face à quelqu'un d'un grand calibre, puisque Sainz, on sait que ça vaut à peu près un Leclerc. Au moins, on aurait vraiment eu le niveau de Verstappen par rapport à un très grand pilote. Toi, tu auras des problèmes, toi. Non, mais je suis d'accord avec toi, t'inquiète pas. Sergio Pérez, le problème, c'est qu'il marche tellement mental qu'on sait plus quel est le bon niveau de Pérez. Quoi. Il y a le Pérez des très bons jours de l'année dernière. Et voilà. Après, il y en a beaucoup qui m'ont souligné que Pérez, il a marqué 32% des points de Verstappen cette année et que l'année dernière, il a marqué 33% des points de Verstappen. Donc, il ne s'est pas plus écroulé que l'année dernière. Sauf que les autres équipes sont plus près. C'est ça. Et il vaut mieux marquer 32% de 25 points que 32% de 15 ou 12. Et Verstappen est plutôt en ce moment en train de marquer 18, 15 ou 12 que 25. Ouais. Donc en termes de pourcentage, les points de Perez, c'est limité, quoi. Quand tu marques 30 points, mais que ton équipe gagne 21 courses sur 22, c'est pas grave. Mais là, du coup, quand c'est plus le cas, faut pas oublier que maintenant, on est à 4 courses sans victoire pour Verstappen, ce qui n'était pas arrivé depuis 2020, rendez-vous compte. Yazoo fait son premier message en chat. Bonsoir et bienvenue à toi. Il nous dit, vous y croyez à la rumeur sur Liberty Media qui serait intervenue? Comment? C'est ce qu'on vient de dire, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais est-ce que moi, j'ai pas répondu encore, mais moi, j'y crois pas trop, honnêtement. Moi, c'est une équipe tellement politique derrière que moi, je pense pas que ce soit infondé qu'il y ait un soupçon de ça derrière. Parce qu'il y a des, Parce que, voilà, c'est fort possible, hein, c'est clairement. Je veux dire, pourquoi sauver le soldat Pérez ainsi? Alors, tout le monde dit à Red Bull qu'il faut arrêter les frais, que Red Bull n'est plus dominant et qu'ils ont besoin de deux très bons pilotes. Et pourtant, ils ne font pas ce qu'il faut pour ça. Donc, pour moi, il y a forcément de la politique derrière. Quand vous avez un Marco qui étrit Pérez et qui dit lui-même encore le dimanche soir, on va se réunir lundi, on va tout poser sur la table, c'est pas normal de perdre des points comme ça, c'est pas normal de passer de la deuxième à la huitième place. Enfin, bref, ils ont même parlé d'entamer des procédures, hein, faut pas oublier. Ils étaient quasiment sur un licenciement presque. C'est Marco qui parlait de ça. Ouais. Mais Horner n'a jamais eu ce discours-là. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a. C'est très politique déjà en interne, entre eux. Autant Marco, lui, il est absolument à fond pour promouvoir les jeunes pilotes, pour qu'il y ait un Lawson qui y aille. Au pire, un Ricciardo, je pense qu'il aurait été d'accord pour que Ricciardo y aille. Ça aurait offert une place à Lawson chez RBF1. Ça avait du sens d'aller mettre un pilote expérimenté. Puisque je ne sais pas pourquoi, il est clair que Tsunoda, il n'y a pas droit. En fait, là où je pense que Ricciardo est un meilleur choix, c'est qu'avec Verstappen, il y a une vraie émulation. C'est le seul des équipiers de Verstappen depuis le début de sa carrière en Formule 1, et ça, ce n'est pas du tout pour lui reprocher, c'est un fait. C'est le seul qui s'est très bien entendu avec, qui a beaucoup travaillé en duo avec, et qui travaillait dans la même direction que Verstappen tout le long. Et en ça, pour moi, le choix de Ricciardo était très bon, parce que même si ce n'était pas des garanties énormes de résultats, on sait que de toute façon, Red Bull a une politique sur Verstappen uniquement, et on sait que les équipes qui sont dépendantes d'un pilote finissent toujours par se casser la gueule parce qu'elles sont dépendantes d'un pilote, hein, on se rappelle de Ferrari en 99, ça ne fonctionne pas. Maintenant, ça fonctionne quand l'équipe fonctionne très bien, et puis quand l'équipe se casse la gueule, ça ne fonctionne plus, et là, Red Bull en est arrivé là, et c'est là que je ne comprends pas pourquoi il ne change pas de ce schéma-là aujourd'hui. Ils ne tentent pas quelque chose, en fait, parce qu'ils vont continuer à dépendre d'un seul pilote, parce que Pérez ne va pas se réveiller miraculeusement, hein, et là on parle qu'il sauve sa place jusqu'à la fin de saison. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qu'ils ont confirmé il y a un mois et demi pour 2 ans de plus. Finalement, ça ne lui a pas du tout aidé, au contraire, ça l'a plutôt mis dedans, donc Pérez ne va pas devenir un vainqueur de Grand Prix régulier à partir de maintenant, parce qu'il est rassuré, et Red Bull perdra très probablement le titre constructeur, donc c'est incompréhensible pour moi, mais effectivement, je pense que le choix Ricciardo a eu du sens. Thomas, tout à l'heure, demandait dans le chat, est-ce qu'on peut dire que soit il a un dossier, donc Pérez sur Horner, enfin sur les dirigeants, soit il ramène des millions et des millions, parce qu'ils ont viré d'autres pilotes pour moins que ça quand même. Il n'a pas des millions et des millions. On rappelle que Pérez, de ce qu'on en sait, c'est 11 millions à mener, dont 8, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais au moins 5-6 pour lui payer son salaire, donc... en fait, c'est 5 millions environ, et par rapport à tout ce que touche Red Bull avec ses partenaires et tout ça, c'est pas énorme. S'ils perdent d'argent Carlos Slim, ça va pas les tuer. Hein, donc, Le contrat du Grand Prix du Mexique va jusqu'en 2025. Donc peut-être qu'on. Après 2025, je pense qu'ils vont signer peut-être le contrat du Grand Prix du Mexique si et seulement si Pérez est encore sur la grille des. Non, mais ce qui va être drôle, c'est que Red Bull va être obligé de le garder toute la saison 2025 juste pour le Grand Prix du Mexique. Ou alors ils vont le rappeler au Mexique en disant vous en faites pas, il sera là, mais ils vont être obligés de l'annoncer plus tôt parce qu'il faut que les gens viennent. 23 courses sur 24 sans lui, mais on va venir juste pour le Mexique. Ils vont faire un communiqué. On a recruté, Yuki Tsunoda pour la saison, sauf pour le Mexique. Ou alors ils recruteront peut-être, genre ils auront Ricciardo en Australie, ils auront Tsunoda au Japon, ils vont modifier comme ça, ils auront Hadjar, on n'a pas de Grand Prix en France. Mais... Pour Tsunoda, pour juste réfléchir un peu en même temps, je me demande d'ailleurs si Red Bull ne fait pas un peu payer à Honda leur décision de les avoir lâchés comme ça et de ne pas être revenus, et que du coup ils n'ont pas trop envie d'offrir un petit galop d'honneur, un petit baroud d'honneur à Tsunoda avec une Red Bull Honda. Je me demande s'il n'y a pas un peu de ça derrière, quand même. Un peu de rancœur par rapport à comment Honda l'a joué avec Red Bull en termes de motorisation. Je ne serais pas étonné. C'est possible. Mais oui, je suis d'accord avec Suleiman qui dit surtout qu'une grosse marque comme Red Bull, il n'y a pas besoin des 5 millions de Pérez, il y a vraiment des infos qu'on n'a pas sur ce dossier. Et parce que c'est bizarre, et c'est vrai que je suis assez d'accord, hein. C'est vraiment, il y a pas de c'est pas compréhensible, en fait, l'ensemble ne tient pas debout, et pour moi, je privilégie toujours la théorie des luttes de pouvoir en interne entre Horner et Marco, hein. Ça va pas plus loin. Oui, et on a souvent parlé effectivement de l'aspect politique de la présence de Pérez dans cette équipe aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses, hein, derrière. Il y a le père de Sergio aussi qui a un grand pouvoir aussi au Mexique, voilà, qui fait de la politique et tout. Il y a ses sponsors aussi qui sont quand même très puissants et qui qui ne concerne d'ailleurs pas que Red Bull, hein. Je crois d'ailleurs que certains des sponsors de Perez sont aussi impliqués au niveau de la FOM, pour tout ce qui est... Je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a un aspect politique forcément à la constellation Perez, on appelle ça la constellation Perez. Mmh. Voilà. Alors Philou ressort une théorie qu'on avait aussi en début d'année, qui est pourquoi pas de la stabilité en vue d'un départ de Max, mais est-ce que tu veux vraiment, dans une équipe qui joue le titre, que ta stabilité, ce soit Sergio Perez de 2024? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Non. Ils ont jamais hésité à changer de pilote quand c'était nécessaire. Alex Albon, Pierre Gasly, ils en ont fait les frais. Hein. Puis, Framboisier demande Tsunoda par chez Aston, il parle de 2026. Non, c'est Stroll et Alonso seront encore là en 2026 d'après leur contrat actuel. Donc, il n'y a pas de question. Est-ce que c'est le vrai Framboisier du club Dorothée qu'on a Si c'est le cas, bienvenue. Oui. En tout cas, et puis si c'est pas le cas, bienvenue aussi, hein, rassure-toi. Mais c'est vrai que chez Aston, il n'y a pas de place pour l'instant parce que c'est un double champion du monde et fils du patron et qu'a priori, les deux sont là au moins pour 2 ans de plus. Alonso en WEC en 2025, Alonso a dit qu'il a un contrat avec Aston Sport, non F1. Alonso, il a un contrat avec Aston F1, hein, dans tous les cas. Après, oui, forcément, en fait, la division F1 fait partie de la division Motorsport, donc tu peux, mais à aucun moment, c'est prévu qu'il aille en WEC. Hein, là, pour l'instant, vraiment, Alonso, il est focus sur la F1 et Stroll aussi, donc il y aura sûrement Drugovic, il y aura sûrement les pilotes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aston Martin roule aussi, et en endurance, avec The Art of Racing, qui sera l'équipe qui exploitera les Aston Martin Valkyrie. Donc c'est ces gens-là qui iront d'abord en priorité. Les pilotes de F1, c'est des vitrines, mais Art of Racing, ils ont des pilotes qu'ils ont depuis longtemps, et Aston Martin aussi, et ils les feront évoluer depuis le GT jusqu'au Valkyrie. C'est pas Alonso et Stroll qui vont se faire d'abord envoyer là-bas pour boucher des trous. Tsunoda, je vois pas, il y a aucun scénario où je vois finir chez Aston Martin avant un paquet d'années. Donc à mon avis, il va même réfléchir à aller ailleurs plutôt avant d'aller chez Aston Martin. J'ai quelques déclarations toutes fraîches d'Helmut Marko qui datent de ce soir. Vas-y. Ils nous disent que les cartes seront encore rebattues à nouveau pour 2025. Donc en gros, chez Red Bull comme chez RBF1, parce qu'on en parlera aussi, ça bougera en 2025. Bon, on peut imaginer que pour RBF1, oui, ce sera le cas. Indy encore Perez reste, nous voulons qu'il retrouve sa forme, donc Richardo reste aussi, de ce côté là rien ne changera, voilà. Mais pour 2025 effectivement rien n'est acté encore, donc voilà, c'est une petite déclaration de Marko ce soir qui tombe à l'instant. Et après il ne faut pas oublier aussi une dernière option qui est que Perez dégage quand même, parce que en 2019 donc la place de Gasly est menacée, il prend un tour en Hongrie, tout le monde dit Gasly n'est pas au niveau, etc. Et Red Bull est très mécontent, et puis il y a une grosse réunion le lundi, et le mardi on dit non mais vous en faites pas, Pierre Gasly reste, il finira la saison avec nous. Et une semaine et demie plus tard, Pierre Gasly apprend qu'il est licencié, donc, et qu'il est retour chez AlphaTauri, enfin chez Toro Rosso. Donc j'ai vu beaucoup de gens dire oui mais ils feront pas ça parce qu'ils veulent pas passer pour des branquignoles. Ils l'ont déjà fait, donc le management de Red Bull est tellement mené par des guerres d'ego, par de l'image, par de la volonté de ne pas froisser Verstappen, parce qu'il y a de ça aussi, parce que de plein de choses comme ça, qu'au final l'apparence qu'ils ont à la fin et l'image qu'ils donnent d'eux, ils en ont rien à foutre vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui compte pour eux. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, quelle qu'elle soit en fait. Puis on n'est pas à l'abri de ne pas avoir de surprise non plus. C'est ça qui est un peu compliqué avec eux. En tout cas voilà, c'est un beau feuilleton de l'été, hein, ça va nous passer un peu de temps. Oh, mais le feuilleton Red Bull c'est plus que l'été, c'est ouais, l'hiver. Le feuilleton de l'année. Bientôt c'est les 4 saisons. Hein. C'est vrai que c'est terrible. Équipe suivante, Aston Martin, donc qui termine, Alonso termine 8e grâce à une belle stratégie à un arrêt et une voiture au poids, donc ça peut se faire. Stroll termine 11e, 12e avant la disqualification de Russell. Stroll casse encore la voiture, du coup c'est un peu compliqué la suite de son week-end. Les mécanos ont fait un super travail pour rattraper le coup. Maintenant, c'était mieux que ça l'a été sur les courses d'avant, mais c'était pas non plus la folie quoi. Pour Aston, je pense pas qu'ils auraient fait 8e avec une stratégie à deux arrêts. Donc, Non, la stratégie à un arrêt était la bonne du coup. C'est celle à adopter pour ceux qui pouvaient la tenir. Et donc voilà, course un peu anonyme, hein, on va dire, puisque il y a vraiment les 4 grosses équipes qui se détachaient. Et Alonso a fini le premier des autres, on va dire. Un peu comme sur les dernières courses, hein, voilà, avec Stroll aussi qui avait fait ce coup-là. Oui. Voilà, donc Aston solide, mais voilà, toujours, il manque toujours un petit peu par rapport aux optimes. Donc, Voilà, il faut attendre effectivement de nouvelles pièces, de nouveautés. Non, bah, je ne sais pas pour quand, je ne sais plus si c'est pas Singapour ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, il y a Ouais, des je choses crois. qui ont été remises sur le métier, là, un peu, ils ont un peu compris ce qui n'allait pas, a priori, d'après ce que dit Mike Crack. Donc, à voir effectivement comment c'est corrigé pour la suite. En attendant, bah, voilà, ça reste la cinquième force du plateau, à égalité de temps en temps avec RBF1, mais ça fait déjà comme quelques courses de suite là qui sont quand même devant RBF1 de nouveau, donc ils ont réussi à optimiser leur package actuel Mais en attendant mieux. ils étaient derrière As sur deux des trois dernières courses avant Spa, donc Oui. c'est très serré. Et ils sont dans un groupe qui est, c'est un peu le ventre mou. Donc un bon week-end, on est largement en tête de ce groupe. Un mauvais week-end, on se retrouve rapidement éliminé en Q1. C'est un petit peu le truc compliqué. Philou demande, on n'en parle que sur les 9 dernières courses. Alonso, c'est 16 points et Stroll 15. Il montre son vrai niveau, son vrai talent. C'est Alonso qui a un creux. Je pense que Stroll gagne un peu en régularité cette année. Comment, je ne sais pas, mais le fait est qu'il a l'air d'avoir moins de courses creuses comme il avait avant. Et un Stroll des bons jours, c'est un bon pilote de Formule 1. Donc je pense que voilà, sachant qu'en face, Alonso doit pas être au top de sa forme non plus. Je pense qu'il encaisse un petit peu ses récentes erreurs d'orientation, on va dire, s'il voulait vraiment, parce qu'il faut oublier qu'il a refusé un volant chez Mercedes et qu'il semblerait que ce soit pas encore la bonne solution. Donc je pense que des fois il a un petit peu des coups de moins bien à cause de ça, mais je pense que Stroll n'est pas le manche que beaucoup pensent qu'il est. Et on l'a déjà vu pas mal de fois sur le début de sa carrière d'ailleurs. Mike Crack, je dis oui, c'est. Comment dire? Il y a des rumeurs, effectivement. Après, il disait que Lawrence Stroll pourrait se passer de Mike Crack. Parce que pas content de la situation actuelle. Ça reste que des rumeurs. Voilà. Est-ce que Mike Crack, qui est effectivement un ancien de la maison Volkswagen, et Porsche d'ailleurs, je crois aussi, Et BMW aussi, je crois. Ben Blay oui, aussi, pourrait revenir là-bas? Uniquement si Lawrence Stroll décide de se passer de ses services, on va dire. Donc, pour l'instant, c'est pas des démentis fermes. Aujourd'hui, il a d'ailleurs dit que ces rumeurs étaient sympas et agréables à entendre. Donc, bon, voilà, on peut dire que si jamais le vent tourne du mauvais côté de Silverstone, on traverse le Channel et on se retrouve en Allemagne assez vite, ce serait pas exclu. Mais non, a priori, ouais, ça s'adresse que des rumeurs. Il n'y a pas de très très grosses lames de fond qui nous diraient oui, ça va vraiment faire. C'est un peu à la Lawrence Stroll. Hein. Lawrence Stroll, c'est parfois des décisions assez tranchées dans le vif, comme on dit, et rapides, qu'on ne voit pas forcément venir. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là sur le fait que ce soit que des rumeurs pour l'instant, ouais. Et pas plus. Pourquoi il n'a pas démenti formellement? Il a juste dit pour l'instant. Pour l'instant, c'est Aston Martin. Du Temple fait son premier message dans le chat, bonsoir et bienvenue, qui dit qu'en est-il des rumeurs de vente et des cessions de parts? Pas de nouvelles pour l'instant à ce sujet. Malgré tout, si ça se fait, ce sera plutôt des entrées au capital que réellement des parts cédées, je pense. Donc, Les Saoudiens, ouais, surtout qui lorgnent un petit peu ouais. toujours ce projet d'équipe de F1, mais bon. Ça voudrait dire que Aston Martin passerait sous coupe saoudienne. Pourquoi pas un jour, hein, puisqu'on sait quand même que c'est un constructeur qui a souvent dû renflouer, même Stroll encore récemment a dû faire des levées de fonds pour renflouer un peu les caisses. Donc, on va voir, effectivement. Mais on sait très bien que si jamais effectivement il y a un gros souci d'argent, je pense que Stroll pourra compter sur ses partenaires saoudiens pour changer peut-être, encore une fois, le nom du propriétaire d'Aston Martin. Voilà, donc c'est pas pour l'instant, en tout cas, c'est pas il y a pas il y a pas plus de pas plus de pareil Non. de d'avancer sur ce sujet. Je pense quand même que Stroll a envie de faire plus avec Aston Martin que ce qu'il fait pour l'instant et qu'il va rester à la barre un moment, à mon avis. Donc voilà, après, pas grand-chose de plus à dire du côté d'Aston non plus. Hein. C'était un week-end assez discret, mais finalement 4 points quand même. Donc c'est pas mal. On est très très loin de Mercedes. Hein. C'était leur principal rival en début de saison. Cette comparaison-là fait mal. Le reste, c'est en ligne avec ce qu'ils font depuis quelques temps. Nous allons parler ensuite d'Alpine. De la 9e place de Esteban Ocon, de la 13e de Pierre Gasly, de la livrée Deadpool Wolverine, du départ de Bruno Famin, du nouveau team principal qui va arriver, de Carlos Sainz qui ne viendra pas. Je ne sais pas par quoi commencer, tellement cette équipe coule sous un flot de news. Ah bah, Grand Prix de Belgique, chaque année, c'est le rendez-vous. Hein, pour ah ouais, c'est la grande, c'est la brocante chaque année. C'est, Grand Prix chaque de fois, c'est la grande lessive. Hein. bon, notre main, on sentait quand même le vent venir. Oui, hein, c'était déjà prévu. On sentait que c'était déjà là, impossible. Il était déjà un peu VP, voilà, Vice President de Alpine ouais. Motorsports. Comme il a dit lui-même, il cumulait un peu les deux rôles. On en parlait quand même déjà pas mal hein, dans nos émissions sur le fait qu'il n'était pas F1 matériel, comme on dit maintenant. C'était pas vraiment l'homme fort, la poigne incarnée, on va dire, en termes de, au moins en termes de ce qui dégage, de ce qui rayonne en termes de, même si c'est taper du poing sur la table quand il y a besoin. Mais voilà, il faut quelqu'un effectivement de plus expérimenté. Bon, ça devrait pas tarder effectivement. Plus charismatique. Oui, alors charismatique, je ne sais pas si c'est Oliver Hawkes qui devrait arriver à sa place. Je pense, honnêtement, ce sera difficile de faire pire que Famin, désolé pour lui, mais... Mais voilà, donc qui vient de chez Hightech, donc voilà, ça devrait être confirmé, on va dire, dans les heures ou les jours à venir, je pense. Avant que vous partiez tous en vacances, je pense qu'on devrait avoir des nouvelles du côté d'Alpine. Restez branchés, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Mais voilà, Bruno Famin, il a assuré l'intérim. Hein. En fait, ils auraient dû laisser le titre d'intérimaire plutôt que de le nommer. Bah oui, c'est ça, ils l'ont confirmé. Alors c'était sûr. C'est ça. Mais il a fait un intérim pas si intérimaire que ça et un intérim qui n'était plus. Donc c'est Alors il dit que c'est pas Briatore puisque c'était plus ou moins dans les tuyaux avant que Briatore n'arrive. Bon, permettez-moi d'en douter un petit peu quand même. Bon, ça c'est le dossier Famin, on va s'éterniser là-dessus, on a déjà tellement parlé. Ce qui par contre se joue quand même, c'est maintenant, ben voilà, c'est clairement le projet Viry a été officiellement lancé côté syndicat, parce que c'est la procédure en France, c'est avant d'annoncer des décisions dans la presse en grande pompe, on boucle le moteur Renault, on n'a plus rien à faire, on jette ça à la poubelle, on passe chez Mercedes. Ah ben non, d'abord il faut aller dire au syndicat, écoutez. On prévoit un truc, on a une idée, qu'est-ce que vous penseriez de faire un petit moteur à hydrogène pour vous amuser, et puis peut-être un peu bosser sur 2-3 projets, on pense que c'est vachement mieux que la Formule 1, vous savez, tout ça. Pendant ce temps, nous, on réfléchit, on peut essayer de trouver un autre moteur quelque part. Donc voilà, bref, ça se fait à la française, c'est clair, il y a des procédures à suivre, mais ça y est, c'est clair que Alpine passe chez Mercedes en 2026. Le problème, c'est que voilà. Moi, j'avais eu des insights déjà avant ça, et le moteur à hydrogène dont il parle pour essayer de cacher un peu la misère, il était déjà prévu en parallèle du programme Formule 1 à Viry. Ouais. Donc on ne va pas recaser tous ces gens-là. Et apparemment c'est vraiment... À Viry, c'est l'ambiance horrible. Les gens commencent déjà à ne plus être trop à l'usine et tout. Enfin, c'est très compliqué ce qui se passe chez Alpine globalement. Parce qu'ils ont quand même une année et demie à exploiter les moteurs et donc à devoir travailler dessus, quoi qu'il arrive. Et en fait tout ça c'est des décisions stratégiques de Renault, enfin même d'Alpine pour essayer de ensuite de potentiellement faire gagner de la valeur, peut-être vendre des parts, etc. Je reviendrai après sur l'affaire des parts, mais ils se rendent pas compte que c'est fait avec tellement d'avance qu'on va avoir il va y avoir un vrai effet négatif sur un an et demi de toutes ces décisions qui sont prises. C'est pas comme si on disait dans 6 mois c'est bon, on a un moteur Mercedes et que on clôt, enfin. Ça aurait été plus cruel, mais presque il aurait plus fallu fermer rapidement, parce que là, en fait, ça va être une agonie absolue pendant un an et demi, et l'équipe et la performance vont en pâtir. Ce qui est étonnant aussi, alors après, j'aime pas la théorie du complot, mais les problèmes de fiabilité côté moteur, refroidissement, boîte de vitesse, tout ça, ça se multiplie un petit peu quand même ces derniers temps, donc je voudrais pas dire qu'on soit en train de saboter les monoplaces, mais... Je trouve quand même que c'est à surveiller quand même, effectivement, si on dit à tous les gens de Viry que... qu'on va devoir se passer d'eux pour la Formule 1, je pense que ça doit bien remonter quand même pas mal d'entre eux. Donc je veux pas dire qu'il y a des gens, des ingénieurs ou des mécaniciens qui se permettraient de saboter les voitures pour ça, mais ça s'est déjà vu en Formule 1, c'est déjà arrivé. Et les problèmes se sont un peu multipliés depuis 3-4 Grands Prix quand même sur les... Bah, cette fois-ci, c'était plutôt Esteban Ocon qui en a été victime. La fiabilité est catastrophique ces derniers temps, c'est un vrai problème. Et alors c'est vrai que James Smith en parle dans le chat, une grève est-elle envisageable à Viry mettant en péril la saison prochaine, mais moi je pense... Nous sommes en France, un des grands leviers de mécontentement et de l'expression de mécontentement qu'on a en France, c'est la grève. Et je suis persuadé qu'à Viry, ils ne sont pas plus cons qu'ailleurs et que, à mon avis, si ça se confirme, du moment où ce sera confirmé, on risque de voir des situations très compliqué du côté de Viry et potentiellement pour Alpine F1. Parce que je ne serais pas étonné de voir des gens qui refusent de préparer des moteurs, des gens qui refusent de préparer des pièces qui vont dans les moteurs, et que rapidement Alpine se retrouve avec des problèmes dans ce genre-là, quoi. Bah, du coup, c'est Mechachrome qui devrait être. Qui gère déjà un petit peu le parc de Renault, mais voilà, je pense qu'effectivement, ils vont très très vite produire les 10 ou 12 moteurs nécessaires pour faire de la saison avec d'éventuels casques pour l'année prochaine, plus les moteurs de test évidemment pour tout ça. Et voilà, et puis après à Viry, ben, c'est comme un super outil de travail qui a comme été modernisé il n'y a pas si longtemps que ça. Effectivement, ben, les employés, on nous dit qu'il y aura zéro licenciement, qu'il y aura des projets, ça servira à la marque. Je crois pas une seconde. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir développer, mais ça reste effectivement un très bel outil technologique pour pouvoir développer des moteurs, ça c'est clair. Mais s'il y a un retour en arrière par rapport effectivement au 100% thermique en Europe dès 2035, pourquoi pas, effectivement, ça peut être effectivement un centre d'excellence pour étudier des futurs moteurs thermiques avec des carburants durables, genre de choses. Rien n'est exclu. Mais le prix que ça coûte, voilà, c'est un peu ça le souci. Ou alors développer effectivement aussi pour d'autres. Hein. Il peut aussi être prestataire de services, comme Toyota a su transformer son usine Formule 1 de Cologne en prestataire de services pour de nombreuses activités de sport automobile et pour des équipes de F1, pour d'autres. Donc voilà, ces bâtiments-là ne vont pas être fermés et mis à l'abandon. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir les faire de l'Urbex à Viry-Châtillon. En 2 ans, hein. Je vous rassure. Mais j'ai quand même très peur que ça finisse par une décision ultra violente, parce que en fait, il faut bien se rendre compte de la situation du groupe Renault aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, en 2035, on ne reviendra pas en arrière au point que les carburants de synthèse deviendront la technologie principale. Donc, les technologies qu'ils ont sur l'électrique seront toujours mises en avant pour l'automobile de route. Et tout ça, ils ont déjà toutes les usines. Ils ont les usines de fabrication de moteurs, de batteries, de recyclage et tout, qui sont toutes dans le Nord en construction ou déjà construites et déjà opérationnelles à l'échelle du groupe Renault. Et donc du coup, ça veut dire que Viry, ça restera quand même avec ses compétitions. Alors un petit peu peut-être de développement technologique, mais ça restera avec ses compétitions. Sauf que le programme avec la fermeture de Renault Sport les années précédentes pour faire Alpine, et Alpine qui se réduit de plus en plus, qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour faire vivre Viry sans la Formule 1? Il reste le programme Nissan en Formule E, avec un moteur qui a développé, mais qui va être, une fois que la Gen 4 est lancée, elle est lancée pour 5 ans, donc on ne fait pas bosser 400 personnes dessus par an, ou je sais pas combien, oui, c'est 400 personnes. Il reste le programme Alpenglow et donc l'hydrogène globalement, mais c'est pareil, l'hydrogène aujourd'hui c'est une chimère, le truc c'est décalé tous les 6 mois, ça perd un an, on en est à 2028 pour les débuts du potentiel de l'hydrogène en endurance, et encore serait sur des courses d'une demi-heure, vous imaginez le chantier en termes de technologie. Donc on ne fait pas bosser 400 personnes dessus. Ensuite, il y a quelques trucs de compétition que Renault fait avec le moteur qui aujourd'hui sert de base à l'Alpenglow, justement, qui est le 4 cylindres, qui est vachement développé dans plusieurs disciplines, notamment certaines de. Enfin, c'est sur des disciplines un peu compé client. Mais voilà, et c'est tout. Et à part ça, il n'y a rien de plus. Et pour moi, il va falloir revendre Viry sous peine que. Et là, il va falloir revendre Viry à un constructeur ou quelqu'un qui pourra servir de ça et en faire un nouveau pôle et peut-être se développer en France pour faire un nouveau pôle moteur ou je ne sais quoi. Mais je ne vois pas Viry rester à la propriété de Renault pour parce que, c'est comme tu dis, c'est des coûts énormes. Et il n'y a aucune justification aujourd'hui, à part la Formule 1, qui vaut le coup pour dépenser ces coûts à Viry. Attendons de voir. De toute façon, pour nous, Viry, on va dire, c'est affaire conclue. Hein. Ouais. Et on n'en parlera plus. Attends, on l'a racheté ou je ne comprends pas? Non, mais oui, c'est sûr. Mec, je ne te rachète pour 1 € délocaliser ses bureaux là-bas. C'est Manu qui va faire tourner les moteurs. Ah, ouais, je sais pas pourquoi, mais je les ferai tourner, promis. Mais non, voilà, c'est enfin, en gros, bah, voilà, c'est, même si c'est pas officiel, c'est la mort de Viry côté F1. Voilà. Pour la partie qui nous intéresse, nous. Maintenant, effectivement, ce qu'on peut dire, nous, pour les employés qui sont là-bas, c'est effectivement qu'ils trouvent des projets encore intéressants ou qu'ils aillent ailleurs aussi. Hein. Ce sont des motoristes en F1, et croyez-moi que vu le nombre de motoristes qui arrivent, autant du côté de Audi que de Red Bull Powertrains et tout ça, que ces gens-là, ils vont vite aller postuler ailleurs. Ça veut dire aussi quitter la France, hein, mais bon, la plupart sont... doivent forcément parler anglais, puisque c'est... Ah, donc quitter le pays. Après, c'est déjà des gens qui ont l'habitude de parler avec des ingés anglais. Hein, donc, C'est ça. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste quitter la France, ouais, pour continuer à bosser en F1. C'est le truc. Et voilà. Et donc ces gens-là qui ont un savoir-faire Alors certes, le moteur Renault n'est pas le moteur de référence de la F1, mais il est à 20 ou 30 chevaux des autres et il n'est pas, je vais pas dire, il est pas plus con qu'un autre, mais il n'est pas si mal que ça, voilà. Et voilà, donc ces gens-là qui ont su faire un moteur ont certainement développé aussi des techniques, des trucs qui sont peut-être supérieurs sur certains points à d'autres moteurs. Et c'est un échange, toujours un échange de savoir-faire entre les motoristes. Ces gens-là, croyez-moi, ils vont pas rester en France à faire des moteurs 4 cylindres, 1,2 litre, voilà, qui fonctionnent à l'éthanol, au diesel ou je ne sais quoi. Et ces gens-là, ils ont un vrai savoir-faire, ils ont un salaire derrière aussi et une passion aussi du métier qui font qu'ils vont très très vite postuler ailleurs ou se faire directement recruter par des cabinets de chasseurs de tête. Je pense notamment à Red Bull, je pense notamment à Audi, je pense peut-être à General Motors, effectivement, à Cadillac, qui a aussi besoin de, voilà, s'ils sont vraiment sérieux dans leur projet de moteur, pourraient aller vite piocher une grande louche d'ingénieurs de ce côté-là, de l'Atlantique. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour ceux qui veulent continuer à rester en F1 en envoyant les CV où il faut, ça trouvera effectivement. Après, ouais, le problème, toujours pareil, le problème, c'est les familles. Et les familles françaises, on sait qu'elles aiment bien rester en France et que voilà, après c'est souvent madame parle une autre langue, est-ce que les enfants sont trop jeunes ou pas trop jeunes pour monsieur, au contraire, effectivement. Rappelle-toi que c'est maman qui fait un moteur. C'est vrai, c'est maman qui a fait un super moteur, effectivement. J'oublie toujours que maman a fait un super moteur. Non, mais j'avais quand même vu une stat sur les ingénieurs motoristes, c'est quand même 85% des hommes. Donc, ça, bon, c'est pour ça que je dis monsieur, mais je n'y voyais pas aucun sexisme dans mon. Un peu par rapport à la pub, mais. Aucun sexisme de ma part, c'est pas mon genre. Mais voilà, c'est des gens qui, s'ils veulent retrouver un emploi en F1, pourront en retrouver un sans aucun souci. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, j'ai lu dans le chat, c'est que, à mon avis, ils vont. Au pire, ils laisseront pourrir la situation et les gens partiront d'eux-mêmes parce qu'ils seront, ils font pas quelque chose qui les intéresse ou les passionne, ou ils seront mal payés par rapport à leurs compétences, etc. etc. Et en fait, Viry, pour moi, va mourir à petit feu s'il n'y a pas une décision radicale qui est prise, plutôt que de se faire racheter. Donc, dans tous les cas, le truc tel qu'on connaît aujourd'hui, comme tu dis, c'est affaire entendue, quoi. Mais moi, je proposerais bien ces gens d'aller chez Peugeot en WEC, mais je pense pas qu'ils seraient mieux payés et mieux considérés. Donc, ouais. Après, pour revenir un peu sur le sujet F1, du coup, le ticket gagnant Alpine Mercedes F1, c'est pas assez gagnant pour Carlos Sainz. Mais est-ce qu'il faut pas oublier quand même que tout ça a été fait un peu dans l'urgence pour dire on va attirer un grand nom. Puis le grand nom, il a fait non, moi je vais aller à Grove par contre, les gars. le pont d'or, voilà, qui a été dressé pour avoir Carlos Sainz, non. Après, soyons clairs, sur le plan sportif, passer à un moteur Mercedes, ça reste quand même une très bonne idée, entre guillemets. Oui. Dans le sens de la compétitivité, notamment pour 2026. Voilà, c'est quand même le moteur, enfin en tout cas le motoriste qui est le plus expérimenté, le plus réputé, et qui peut faire quelque chose de sympathique. Bon, mais quel désastre d'image, quoi, vraiment. C'est un désastre, on est d'accord, mais si au moins on peut sauver la partie Enstone, on sauvera au moins la moitié des meubles, un peu plus que la moitié des meubles, parce qu'on a toujours quand même considéré que l'équipe était plutôt côté Enstone que côté Viry. Mais voilà, il faut quand même sauver le sol d'Alpine, on va dire. Et si on y met un bon moteur dans la voiture, c'est déjà quelque chose de plus positif. Après, moi, j'aurais jamais fait revenir Flavio Briatore pour une question d'image aussi, mais bon, tu vois, quand tu fais revenir Flavio Briatore, tu peux te faire après tout derrière. Donc, plus c'est gros, plus ça passe, quoi, je veux dire. Donc voilà. Ouais, c'est... Après, une fois que le moteur Mercedes sera dedans, il ne resterait plus qu'à la rendre rapide et fiable, et ce sera bien, mais... donc voilà, Bon, je n'ai pas envie de plus commenter que ça, les résultats du coup d'Alpine en Belgique. Bravo aux pilotes encore une fois. Oui. Hein, les pilotes font... critiquer une monoplace encore une fois très merdique, inconduisible, les stratégies mal réglée, qui roule même pas droit, enfin bref. Voilà, c'est une catastrophe. Bon, c'est absolument hallucinant de savoir comment... Voilà, ils n'étaient pas contents du tout. Et voilà, bon, c'était Esteban Ocon, je sens qu'il n'a vraiment plus rien à faire, mais il fait le taf. Il donne de sa personne et il se tait beaucoup pour quelqu'un qui devrait en avoir sûrement gros sur le cœur, je pense. C'est ça. Et donc, Pierre Gasly, lui, il attend son équipier maintenant. Et si c'est pas Carlos, deux solutions, je pense. Moi, ça va être... trois sur le papier, parce qu'on pourrait dire Valtteri Bottas, Jack Doohan, Mick Schumacher. Honnêtement, je vois pas Flavio Briatore aller choper un Valtteri Bottas, sachant que Flavio Briatore est le manager de Jack Doohan. Donc pour moi, je pense que le ticket gagnant sur lequel vous pouvez parier hein, quelques euros, mais ne m'envoyez pas la facture si je me trompe. Mais, bon, comme j'ai plutôt des bons pronos en ce moment, je vous dirais quand même de mettre quelques pièces sur Jack Doohan a priori. Ouais, moi aussi. Et le Valtteri Bottas qui se pensait être à 99%, à 100% sûr d'être encore en F1 l'an prochain, j'en suis moins sûr parce qu'il ne reste du coup plus que Audi, enfin Steak Audi derrière, mais un Mick Schumacher qui commence aussi à bien se placer derrière. Il va venir chez Red Bull Bottas. Ils vont se dire de toute façon, on ne sait pas qui prendre, donc on va renouveler un peu nos pilotes. Donc ouais, je pense qu'en tout cas, c'est le pire move pour Bottas, effectivement, c'est d'avoir vu Sainz aller chez Williams, parce que c'était pour lui, c'était le plan B, clairement, de Vols. Donc voilà, donc pour rester sur Alpine pour l'instant, bah, je dirais quand même grosse pièce sur Jack Doohan, qui a été formé, ouais. Qui est formé, et qui tourne, et qui tourne, et qui fait le taf en simulateur, qui bosse énormément, voilà, tout le monde a compris que faire bosser les troisième pilotes en simulateur du non-stop du jeudi jusqu'au samedi matin, c'est ce que fait Mercedes et ça marche très bien. Et c'est ce que fait Red Bull maintenant, c'est ce que fait Alpine maintenant et tout ça. Et ça permet de faire avancer les réglages à vitesse grand V. Et donc ces troisième pilotes-là, ils sont vraiment mis en valeur par rapport à ça. Mmh. Et Doohan, il fait le taf. Donc ouais, grosse possibilité. À moins que... Alors, Je mentionne quand même la petite rumeur qui dit que si Oliver Hawkes est bien nommé directeur d'Alpine F1, et on peut penser à 99,99999% que ce sera le cas, que Paul Aron pourrait le suivre. Mais bon, je vois pas pourquoi Hawkes pourrait imposer Aron, alors que Doohan est formé fortement d'un côté et qu'en plus il est managé par Briatore. Voilà. C'est vrai, Paul Aron, c'est des bonnes personnes en ce moment. Voilà, je me dois juste de citer quand même la rumeur pour histoire d'être exhaustif. Et justement, moi, je vais citer un peu ce que mon scénario pour être exhaustif aussi, c'est que je pense que l'arrivée de Oliver Hawkes, et donc à mon avis, va s'accompagner d'un semblant de partenariat avec Hightech, entre guillemets. Je pense qu'il va y avoir des échanges de pas de synergie peut-être, mais d'employés ou quoi. Et je pense surtout qu'à terme, ça fera que l'investisseur qui était derrière le projet de Hightech en Formule 1 va investir dans Alpine. Alors, est-ce que c'est pour rajouter de la valeur ou est-ce que c'est à terme pour racheter, je sais pas. Avec Briatore en fossoyeur à la tête de l'équipe, j'ai tendance à penser qu'ils voudront vendre à un moment dans les 2-3 ans qui viennent. Mais je pense que l'investisseur kazakh mania des minéraux qui a maintenant des parts majoritaires dans Hightech, je crois. À mon avis, va investir dedans. Alors, Framboisier, non, Alpine ne dirait pas tout de suite Hightech, hein, parce qu'ils peuvent aussi juste investir peut-être 15, 20 ou 25%. Mais ça fait toujours en fait moins de participation pour Renault surtout, donc c'est ça. Je remercie Nodoka75 qui me fait penser à un truc qui m'a mis hors de moi. Ah oui. En fait, ils ont parlé des évolutions sur le Grand Prix, mais je ne sais pas lesquelles. Alors, c'est absolument dingue, parce que toutes les équipes parlent des évolutions, on pourrait quand ça arrive et tout. Chez Alpine, pendant des semaines et semaines, on n'a rien qui arrive, on ne sait pas, voilà. La semaine d'avant, c'était « on n'aura rien avant Zandvoort ». C'est ça. Et boum, ils te sortent un package complet sur les deux voitures, je crois d'ailleurs, capot moteur, aéro et tout. Mais les gars, vous êtes Alpine, vous n'êtes pas Ferrari, vous n'êtes pas Mercedes, vous n'êtes pas Red Bull, vous n'êtes pas McLaren en train de livrer des secrets à la concurrence sur quand est-ce que vous avez votre planning d'évolution. Ils sont dans la communication, même dans la partie communication là-dessus, ils sont plus bas que terre. En fait, c'est même pas rendre hommage à tous ces gens qui ont bossé jour et nuit pour sortir des évolutions, ils n'en parlent même pas. Même dans la preview du Grand Prix, parce que chaque équipe ils font des previews, ils n'en ont même pas parlé. Les mecs se sortent les doigts pour sortir un package d'évolution avant les vacances. Elles arrivent, ils n'en parlent même pas. Alors là, pour le coup, c'est encore un bon carton rouge à Fama. Donc il part en plus un bon carton rouge là-dessus. Ça m'a mis hors de moi. Quand j'ai vu le listing des évolutions Alpine vendredi matin avant la Libre 1, j'étais remonté Manu pour en témoigner. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais rajouter parce que sachant que même les équipes qui ont des secrets à livrer à la concurrence, quand toutes, au moins les quatre premières équipes, enfin les quatre équipes de pointe de la saison, ont toutes à un moment apporté une évolution plus vite qu'elles ne devaient. C'était des choses qu'ils ont bossé dessus et tout ça. Et tout le week-end, c'était on remercie l'équipe, on remercie l'usine, on remercie la production, on remercie la R&D, on est content d'avoir les évos plutôt machin. Alpine, il n'y a juste pas eu un seul mot dessus. Non, et c'est un manque de respect. Et là, c'est pour ça que tu te dis, Finalement, ils respectent pas Viri, mais ils respectent pas Enstone non plus, parce que c'est un manque de respect total pour les centaines de personnes qui se sont cassées le cul, parce que vous vous rendez pas compte, dans une équipe de Formule 1, avec la complexité logistique, avec la complexité de recherche, de technique, que c'est, de ce que c'est de ramener des pièces en avance. Vraiment, je pense que les gens, et surtout là, c'est quand même un mois d'avance, enfin 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines de fermeture, vous vous rendez pas compte du défi relevé par ces gens-là, et que leurs dirigeants n'ont juste même pas eu un mot, même pas daigné avoir un mot, pour remercier et saluer. Donc c'est ignoble. Ignoble, c'est le bon mot. Ah ouais, moi voilà. Je trouve ça... Et c'est pour ça, et tout à l'heure je disais qu'on était remonté, mais absolument on est remonté, parce que Alpine c'est honteux. Moi j'ai plus envie de défendre cette équipe, j'ai défendu le projet très longtemps. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me donne envie de défendre, vraiment. Il n'y a rien qui va, en fait. C'est mal géré. Les personnes qui sont à la tête sont totalement déconnectées. De toute façon, au moins la moitié des personnes qui sont à la tête de l'équipe ne sont pas là pour la sauver. Elles sont là pour l'enterrer. Et Deméo ne dit rien. C'est Briatore et compagnie qui font ça. Deméo, c'est une catastrophe. Voilà. Enfin, il n'y a rien qui va, en fait. C'est vraiment... Il n'y a absolument rien qui va. Et je suis très, très mécontent parce que, encore une fois, Alpine, c'est... C'est un projet qui était ultra séduisant il y a encore 2 ans de ça, en fait. Même l'an dernier, ça commençait à être compliqué, mais il y a 2 ans de ça, c'était un projet où ça jouait très très proche du podium à toutes les courses. On avait Ocon et Alonso, l'année d'avant, ils avaient gagné une course. Il y avait encore d'identité vraiment alpine, même s'ils avaient BWT sur la carrosserie, ça faisait un peu le débat de ça, mais on se rend pas compte, en fait, du travail rapide de destruction de cette équipe qui a été fait. Et en plus, désolé du terme, mais chier sur les gens comme ça qui sont les seuls à se battre pour que ça ait encore un peu de la gueule. J'inclus les pilotes qui ont un matériel qui n'est pas à la hauteur de leur talent et qui en plus quand ils font un pas de traverse font détruire par leur dirigeant. J'inclus tous les employés dont le travail n'est pas salué à sa juste valeur. Et voilà, et c'est vraiment... Il n'y a rien de défendable dans cette équipe actuellement. Et honnêtement, ils ont fait moins de 10 points, enfin ils en sont à 11 points, je crois, sur le début de saison. C'est lamentable quand tu as des pilotes comme ils ont. 11 points sur 14 courses, c'est juste lamentable. Et franchement, oui, ça a bien progressé, parce que c'est sûr, on était 19 et 20. Famin, il a pu fanfaronner une dernière fois avant de partir en disant oui, mais on était 19 et 20 à Bahreïn, ouais, super, on s'en branle. Parce que 19 et 20 à Bahreïn, c'était pas du tout le standard de l'équipe, en fait. Le standard de l'équipe, dès le début de saison, ils auraient dû être place où ils sont maintenant et ensuite essayer de s'accrocher au groupe de tête. Donc voilà, c'est vraiment. Moi, je suis écœuré de voir ce qui s'est passé et c'est pour ça, effectivement, qu'on en a un peu gros et qu'on est un peu virulent avec cette équipe, mais évidemment, c'est. Comme aujourd'hui, ce n'est que contre les dirigeants et les décisions qui sont prises et pas contre les gens qui travaillent et qui se cassent le cul pour pas grand-chose, justement, malheureusement, pour faire vivre cette équipe. Oui, parce que l'équipe pourrait être même dernière, mais au moins les gens pourraient être respectueux entre eux, quoi. Il n'y a même pas cette notion de respect envers les employés. Donc, est-ce que vous voulez que les fans respectent ce que fait cette équipe, pardon. Il y a deux figures publiques de Alpine qui respectent les employés. C'est Esteban Ocon et Pierre Gasly. C'est les deux seuls à avoir des mots pour les gens de l'usine. Et en fait, c'est vraiment, quand tu prends le truc complet, ils sont tous traités de la même façon, que ce soit les pilotes ou les employés, et c'est les seuls qui bossent vraiment pour l'équipe. Et moi, c'est pour ça que je ne vois aucun avenir à cette équipe, et à mon avis, il y aura un désengagement progressif de Renault, parce que de toute façon, plus personne n'a envie à la tête de l'équipe de représenter ça, et je pense que ça va ronger l'équipe jusqu'à la revente. Bah, c'est le plan à 100 courses pour trouver un racheteur, en fait. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, le présent sous Briatore, c'est chouette. C'est Briatore qui va racheter ça pour 1 euro, tu vois. Oh putain. Il pourra tricher en son nom propre. La Benetton F1 Team, elle est retour. Oh putain. Il avait perdu sa Briatore F1 Team. Mon Dieu. Bref, allez, on va arrêter de taper bon, sur les... Bon, on a soufflé un peu, on a pu évacuer un peu, ça fait du bien à pouvoir faire une fin d'émission. Est-ce qu'on pourra encore appeler ça une équipe française, après tout? Ah bah, pour moi, non. Hein. Parce que Alpine, certes, le nom sera français, mais c'est comme aujourd'hui Bugatti, quoi. Bugatti, c'est une marque française, mais plus personne ne considère vraiment que Bugatti est une marque française. Donc, ça sera... Ah bon, les gens me disent... C'est vrai qu'après, les gens me disent, oui, Mercedes, c'est une équipe allemande, alors que c'est tout basé en Angleterre. C'est pas faux. Oui. Mais en fait, non, c'est juste qu'Alpine, c'est tellement... Ils essaient tellement de pourrir le côté français que ça en devient vraiment, vraiment grotesque. C'est ça. L'équipe suivante dont on va parler, c'est RBF1. Donc là, il n'y a pas d'image à pourrir parce que l'équipe n'avait pas d'image dès le départ. Donc au moins, c'est pratique. C'était un petit tacle pas gentil. Mais Plus sérieusement, très bon, enfin plutôt bon week-end de Daniel Ricciardo qui termine, il terminait 11e avant la disqualification de George Russell, il fait 10e du coup, il marque un point. Yuki Tsunoda, bah, lui c'était un week-end perdu d'avance hein, puisque de toute façon il avait une pénalité de 60 places sur la grille, donc il partait du centre-ville de Bruxelles. Le temps de rattraper les autres, il était loin et c'est vrai que globalement il a fini 16e. Bon, bah, c'est lui de tout le week-end en fait, il n'a pas cherché à faire de la perf parce que de toute façon il savait qu'il n'y avait pas de raison. En Q1, il s'est fait éliminer pour, bah, j'imagine, pour pas prendre de risque d'éliminer Ricciardo si jamais il était un peu limite, comme ça se fait souvent. Il a, voilà, il a fait une course au fond de peloton. Ils ont tenté un truc stratégique, c'était pas fou et voilà quoi. Mais bon, c'est un peu mieux que les courses avant globalement RBF, hein, je pense. Au niveau on les attend. Alors juste pour les gens qui découvrent la Formule 1 aujourd'hui et qui nous suivraient par hasard aujourd'hui sur Twitch, pour de vrai, il est pas parti du centre-ville de Bruxelles. Hein, et c'est juste. Non, oui, pardon. C'était une image parce qu'en fait, à l'époque, enfin, il a pris 60 places, mais en fait, il faut savoir que pour compléter tout ça, à partir du moment où un pilote prend plus de 15 places de pénalité, il est automatiquement renvoyé en fond de grille, quel que soit le classement. Mais ceux qui ont cru à ça lèvent la main dans le chat. Ouais. auquel cas, je m'en excuse évidemment, puisque c'était pas le but de vous induire en erreur. Non, mais c'est vrai que. L'actualité de RBF1, c'est quand même plutôt des pilotes, effectivement. Ouais. Voilà, on va pas passer trop de temps non plus sur les performances pour le coup qui sont dans le standard moyen, voilà, de l'équipe. Puisqu'on a aussi appris que, alors il n'y a pas de communiqué hein, parce que les gens oublient que c'était des spéculations et que donc ils vont pas faire un communiqué pour confirmer leur pilote, donc de la même manière que Perez reste jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas eu de communiqué non plus pour confirmer que Ricciardo restera aussi jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, ce qui était très marrant, c'est qu'il était un peu sur trois options. C'était soit il disparaissait complètement de la F1 à la pause, soit il était promu chez Red Bull à la place de Perez, soit il restait chez RBF1. Donc pour lui, les trois scénarios étaient un peu possibles. Et je pense qu'il a dû prendre lui des dimanches soirs parce qu'il était en réunion avec Horner et Mekies, avec un grand sourire, je pense qu'il a appris qu'il serait conservé au moins pour voilà. Donc il a sauvé l'essentiel. Bon, peut-être qu'il va avoir un poil de déception de ne pas aller chez Red Bull à la place de Perez, mais je pense qu'il était déjà très très content de sauver sa place parce que effectivement c'était un petit peu tendu il y a encore quelques semaines de ça. Maintenant les performances de Ricciardo sont quand même beaucoup plus stables qu'au tout début de saison. Ça faisait encore un peu yo-yo, pas à la McLaren, mais il y avait encore un peu de yo-yo. Là c'est quand même devenu beaucoup plus stable. D'ailleurs entre les deux pilotes ça se joue à peu près pareil. Donc du coup on va pas perturber RBF1 qui joue quand même une place au championnat constructeur qui est pas évidente hein, voilà, parce que ça marque que des petits points à chaque fois, donc il faut qu'il y ait deux pilotes solides pour le faire. Maintenant est-ce que Ricciardo restera en 2025? La question est encore posée puisque je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Marco s'est exprimé un peu ce soir en disant que les cartes pourraient être rebattues pour 2025, donc on suppose qu'il parle surtout de RBF1 plutôt que de Red Bull, même si Red Bull on n'est pas à l'abri d'un nouvel effondrement de Perez et restera à savoir quelles cartes ils pourront bien sortir pour le sauver une autre fois. Mais pour Ricciardo clairement l'avenir n'est pas tout rose chez RBF1 puisque rappelons que Helmut Marko a promis à Liam Lawson un baquet en F1 en 2025 et s'il n'y arrive pas, il est libre de partir ailleurs et la première équipe qui serait prête à sauter dessus c'est Audi, au grand dam d'ailleurs de Valtteri Bottas pour le coup, mais si effectivement ça risque du coup un peu de traîner aussi hein, les transferts à cause de ça si Liam Lawson n'est pas assuré d'un baquet RBF1 en 2025. Est-ce que Audi va attendre jusqu'au dernier moment que RBF1 se décide ou pas? Je pense que même Lawson, c'est Lawson qui va commencer à mettre la pression en fait. Les choses vont s'inverser. Il a déjà fait de toute façon. Oui, et là du coup maintenant il est en position de force de nouveau Lawson, parce que là il dit maintenant clairement c'est où vous m'offrez, parce que là il a plus rien à perdre. Parce que ça il sait qu'il va pas faire la deuxième partie de saison, donc là il va pouvoir clairement dire dans les médias, soit je suis chez RBF1, soit je suis chez Audi. Et donc, à mon avis, il peut signer un contrat. Mais est-ce que Marco peut jouer la montre jusqu'au 31 décembre? J'en sais rien. Puisque Audi n'a pas plus envie de se retrouver dans la panade, de ne pas avoir de pilote au 1er janvier, en ayant attendu Lawson jusqu'au dernier moment et que, coup de magie de Marco au 31 décembre, on titularise Lawson pour 2025. À ce moment-là, Audi se retrouve un peu le bec dans l'eau. Même s'il resterait toujours des solutions de secours style Bottas ou peut-être même Ricciardo, il y a quand même pas pénurie non plus de pilotes sur le marché, mais bon, ça ferait un peu roue de secours pour Audi quoi. Donc attendez-vous à voir le discours un peu basculé du côté de RBF1, notamment du côté de Lawson qui va pouvoir commencer à à hausser le ton sur son avenir, notamment. Donc, je suppose que Ricciardo, c'est pas non plus l'avenir hein, de RBF1. Donc, est-ce qu'on le laisse tranquillement finir sa saison et on titularise Lawson derrière ? Ça aurait du sens. Hein. Mais, oui, ça aurait du sens que Tsunoda, c'est. Certes, Tsunoda, c'est un peu le. Voilà, mais ça veut dire qu'on a deux équipes qui sont des équipes de vieux, entre guillemets, puisque Tsunoda, on peut presque l'appeler maintenant un vieux de la F1. Ouais. Ricciardo, j'en parle même pas. Et Marco qui répète à. Voilà, il faut qu'on fasse monter nos jeunes, il faut qu'on fasse couler nos jeunes et tout, mais on sait très bien que c'est plus Marco qui a la voix qui porte aujourd'hui, puisque c'est Horner et les actionnaires thaïlandais. Ouais. Donc, et c'est fou, hein, parce que. Ah oui, c'est énorme, voilà. C'est en fait, on se rend pas compte, mais il faut pas oublier, dans le début des 2010, chez Red Bull et Toro Rosso à l'époque, quand un pilote fonctionnait pas, on le dégageait, y compris chez Red Bull, et on lançait des nouveaux pilotes. On allait chercher des pilotes ailleurs s'il le fallait, on lançait de nouveaux pilotes, mais régulièrement. Et je suis convaincu que si on avait encore ce management-là chez Red Bull aujourd'hui, avec les problèmes qu'on voit dans les deux différents duos, je suis convaincu qu'on aurait un passage de Tsunoda chez Red Bull avec Verstappen et qu'on aurait un double début de débutant chez RBF1 avec Lawson et Hadjar. Ou au moins un Horner Ricciardo, ou moins, pardon, un Horner. Un Verstappen Ricciardo, plutôt qu'un Horner Ricciardo. Christian Horner direct, comment. Ah oui, c'est clair que Marco, il n'a plus son mot à dire. Ouais. C'est triste parce qu'en fait, moi j'aimais bien l'époque où Toro Rosso lançait des duos de pilotes. On se rappelle de Buemi Alguersuari notamment, on se rappelle de Verstappen Sainz, qui a quand même été un duo plutôt réussi, on se rappelle de. D'autres duos avant eux et de Verne Ricciardo. Enfin, je veux dire, c'est que des noms. Buemi, bon, du coup, Buemi Alguersuari, ça a un peu moins fonctionné, mais. Et encore, Buemi est toujours dans le giron Red Bull quand même. Mais je veux dire, après, c'était Ricciardo Verne, et Ricciardo, il est toujours en Formule 1. Verne, il a quand même fait des belles perfs, puis ensuite, il est devenu champion du monde de Formule 2. Et ensuite, c'était Verstappen Sainz. Il y en a un qui est vainqueur de Grand Prix, l'autre qui est champion du monde. Au bout d'un moment, quand Toro Rosso lançait des duos de débutants, ça fonctionnait. Et en fait, le fait qu'il ne le fasse plus, et qu'aujourd'hui, on se retrouve qu'un pilote qui a 12 ans de carrière, qui est maintenu artificiellement en vie, je parle de la carrière, pas du pilote, cher BF1, je trouve ça vraiment super triste parce que c'est pas ce que voulait Ricciardo, je pense, pour sa fin de carrière. Et au fond, c'est pas du tout ce à quoi sert RBF1. C'est pas terrible. C'est non, mais là, on sait clairement qui a gagné. De toute façon, on sait clairement que c'est Horner et les Thaïlandais qui ont gagné. Donc, oui. Donc maintenant, à eux aussi de décider de ce qu'ils veulent faire de RBF1, c'est clair. Marco Martel, que c'est une équipe junior qu'il faut faire passer des jeunes. Mais bon, j'ai un peu peur que voilà, demain il y a un test effectivement avec Iwasa et Lawson à Imola. Il y a aussi Ricciardo qui devait faire ce test un peu en comparatif, ne sera finalement en roulage de 200 km avec Tsunoda sur la V-Carb de cette année. Donc voilà, la question c'est que veulent les actionnaires de V-Carb. C'est ce que dit le Lord Phoenix, c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Et là aujourd'hui, si on s'en tient uniquement, comme le dit Manu, aux décisions que l'on voit qui sont prises, c'est clairement Marco qui est mis de côté pour la décision, puisque lui, il a poussé pour virer Pérez, il a poussé pour... Marco, lui, il veut que ça bouge, il veut tout le temps des nouveaux pilotes, en fait. Et pour une fois qu'on le soutient. Ouais, parce qu'il a raison, quand t'as une deuxième équipe qui est censée être un junior team, tu mets des juniors, tu mets pas un pilote qui a 4 saisons et un pilote qui a 12 saisons. Et enfin, l'an prochain, si par exemple, imaginons dans le pire des cas où ils gardent leur même duo, ce sera la 14e saison de Daniel Ricciardo complète et la 5e saison de Yuki Tsunoda. Enfin, je veux dire, c'est pas une équipe junior du coup, c'est juste une structure pour une voie de garage quoi. Et alors que, encore une fois, dans ton pool de pilotes, tu as Lawson qui a déjà fait ses preuves en Formule 1, parce que tout le monde dit oui, on parle que de 3-4 courses, mais il a fait quasiment la partie la plus compliquée du championnat en s'en sortant super bien. Quand tu as Hadjar qui, excusez-moi, est en train de devenir l'absolu maître de la Formule 2 ces dernières semaines, quand tu as Iwasa qui était vraiment loin d'être mauvais avec son parcours, je veux dire, tu ne gardes pas des pilotes comme ça. Tu gardes pas Pérez et Ricciardo dans ton quatuor, en fait. C'est pas, il n'y a aucun sens à ça. Donc, Ricciardo, je sens quand même, sauf grosse surprise, que c'est comme sa dernière saison, on a vu en F1. Pérez, je pense quand même. Au-delà de toute considération sur le Grand Prix du Mexique. Pérez, à moins qu'il se rattrape vraiment comme un fou furieux sur la deuxième partie de saison, oui, je pense pas qu'il sera maintenu sur la... Et Horner devra bien se rendre à l'évidence, et les actionnaires aussi, et les politiciens du Mexique aussi, et Liberty aussi, s'ils ont leur mot à dire. Après, peut-être que Horner, en fait, Marco qui est venu en disant faut virer Perez, et Horner il a dit bah non, c'est pas mon idée, donc on va pas le faire. Et puis là, il va arriver dans 2 mois, il va dire hé, les gars, faut virer Perez, hein. Et du coup, il va le faire parce que c'est son idée, tu vois. Donc ouais, non, j'ose au moins. Alors, je n'ai rien contre Ricciardo, évidemment, mais Ricciardo n'a rien à faire dans une équipe comme RBF. Hein. Ricciardo, il était là pour essayer de tenter de gagner un titre mondial. Il a failli. Il n'est pas là pour finir dans une équipe de deuxième zone pour l'instant. C'est vraiment une équipe de deuxième zone. Hein. Mais certes, du haut de la deuxième zone, mais une équipe de deuxième zone aussi. Et place aux jeunes, pour le coup, là. Il y en a un paquet qui sont bons, en plus, chez Red Bull, effectivement. Il y a Lawson à caser. Alors, j'en viens à espérer que Lawson signe chez Audi et que. Et voilà, qu'il soit libéré rapidement et que finalement ce soit Adjar qui est la place chez RBF1. Et au moins tout le monde sera à peu près content. Mmh. Et parce que là, effectivement, c'est privé de deux jeunes pilotes talentueux, Adjar et Lawson, d'abaquer par les atermoiements de la politique interne de Red Bull. Quoi. Totalement. Voilà, parce qu'on pouvait dire. Alors, Nico a raison pour la question, c'est le dernier petit sujet qu'on traite là-dessus. Le truc, c'est que si tu vires à la fois Ricciardo et Perez, mais que tu ne veux pas mettre Tsunoda à côté de Verstappen, ils font comment pour justifier le sol direct chez RB et pas Tsunoda? Bah, je l'ai dit, c'est parce qu'ils ont la rancœur contre Honda, à mon avis. Ouais. On ne veut pas mettre Tsunoda, c'est ça. C'est uniquement une question de rancœur contre. C'est un peu le pilote Honda, il est un peu marketé comme ça. Et d'ailleurs, quand Tsunoda parle lui-même de son avenir, il dit toujours, je suis toujours un peu un pilote Honda aussi, tout ça. Donc. Mais après, ils auront pas de mal, je pense, à dire Lawson a plus de potentiel selon nous. Ils l'ont déjà fait même si c'est des trucs que tout le monde, personne ne croit, ils l'ont déjà fait de poser leurs idées sur la table en disant c'est comme ça qu'on voit les choses et c'est pour ça qu'on prend cette décision. Et de toute façon, dernièrement, il n'y a que Marco qui a chanté un peu l'ange de Tsunoda, qui a pris beaucoup de maturité et tout. Non, on n'a rien dit sur Tsunoda, quasiment pas. Quoi. Donc voilà, pour Tsunoda aussi, c'est vraiment une grosse question de politique dans cette équipe. Politique par rapport aux partenaires, politique par rapport aux sponsors, politique par rapport aux motoristes. Et pour moi, Tsunoda paye clairement son affiliation à Honda. Quoi. Faudrait qu'il aille retrouver son pote Gasly chez Alpine, ce serait plus simple pour lui. Il faut quand même rappeler que la désaffection de Honda coûte des centaines, des centaines, des centaines de millions d'euros à Red Bull qui a lancé du coup un programme moteur dans l'incertitude de ce que ça peut donner en 2026. Alors que finalement Honda sera bien là en 2026 avec très certainement un excellent moteur qui sera mis à la disposition d'Aston Martin. Après, si je peux me permettre, ce qui a coûté aussi de l'argent à Red Bull quand ils ont perdu Honda, c'est de s'être fâché avec tous les autres motoristes. Oui, ça va. Certes, mais bon. Renault n'étant plus là, de toute façon, le. La roue tourne, comme oui, on dit. Mais Mercedes ne veut toujours pas d'eux, donc Wolf veut toujours rester éloigné d'eux. Et c'était déjà le cas avant 2021, pour ceux qui se posent la question. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur RBF1. Nous allons passer chez Williams. Alors les performances en piste n'ont pas été fantastiques. Un petit peu déception en course, parce que Albon partait 10e. Il a terminé 12e, Logan Sargeant termine 17e. J'ai traité des propos, du coup j'ai pas traité puisque dimanche soir James Vowles disait on veut que Logan Sargeant ait le temps de prouver qu'il peut rester pilote de F1, et puis finalement 2 jours plus tard, dans le lendemain, Carlos Sainz s'était annoncé, donc voilà, je pense que la carrière de Sargeant en Formule 1 elle est réglée. On peut rapidement parler un petit peu de la partie en piste de Williams. C'est comme toutes les équipes de ce groupe là, hein, ils sont dépendants de toutes les conditions, de toutes les mises en fenêtre de fonctionnement de la voiture et des performances, évolutions. Des évolutions. Et des évolutions. Ouais, c'est ça. Alors, eux, bah, malheureusement, il y a eu beaucoup de casses de pièces au début de la saison, donc ils ont un peu payé ça. Plus le retard. À la rentrée, il y aura pas mal. En l'entrée, il y aura beaucoup d'évolutions sur la Williams. Donc, ouais, ils ont payé ça. Et du coup, c'est un peu en retard. Et malgré un circuit rapide qui les favorise un petit peu plus, Albon, c'est quand même une bonne qualif. Hein, il est vraiment en Q3 quand même. Bon, après, il y a la pluie aussi qui aide. Hein, ouais, il est éliminé en Q2. Il se qualifie 11 et il gagne une place. Il progresse, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était pas mal. Il était très proche de la Q3. Il était très proche. Donc, bon, après, il est toujours pareil. Les conditions de piste, pas évidentes non plus. Hein, à part Verstappen qui est capable de sortir des chronos une seconde et demie ou deux secondes plus rapide que tout le monde tout de suite. Et le temps que les autres raccrochent les wagons. Il a déjà appris la piste, Verstappen, donc voilà. Mais sinon, tous les autres, si on prend tous les autres, effectivement, il était quand même pas mal dans le coup. Maintenant, la Williams sur le sec, effectivement, elle manque maintenant de performance, clairement. Donc, en attendant les évolutions, voilà, sachant qu'il y a un gros travail de fond qui est fait pour en coulisses, surtout pour 2026, clairement, et préparer surtout aussi 2025 pour que ça. pour que ça n'impacte le moins possible 2026 aussi. Donc je pense qu'ils sont déjà pas mal au charbon sur la voiture 2025 pour éviter effectivement que dès le 1er janvier 2026, dès le 1er janvier 2025, enfin 2 janvier pardon, parce qu'ils roulent, ils ont pas le droit de bosser le 1er janvier, mais dès le 2 janvier, ils puissent effectivement attaquer le chantier 2026 à fond, à fond, à fond. Et d'ailleurs, c'est assumé par Wolf, il y aura quasiment zéro évolution de la voiture 2025 l'année prochaine. Ça va être une année un peu morte pour Albon et Sainz, du coup. Voilà, parce que voilà, c'est officiel, Carlos Sainz a signé. Donc la rumeur avait bien bruissé, je crois, la veille du Grand Prix ou le jour même. Et puis même Wolff, on avait mis une bonne couche en étant très optimiste et tout, mais sans pouvoir dire. Bon, bref, c'était entendu entre eux. Ils devaient juste se rencontrer pour signer le lendemain à l'usine. Mais voilà, c'est un cap à fond sur 2026, donc d'ici là, il ne faudra pas attendre malheureusement grand-chose de Williams. J'ai vu passer plein de mèmes sur les réseaux sociaux qui disaient « Good job, Carlos, good job, tu vas être 14e !» ça va lui faire drôle. Ouais. C'est vrai que la chute entre Ferrari et Williams lui promet d'être assez sévère. Il y a un pari, comme toutes les équipes, pour 2026, parce que c'est ce que disent régulièrement les pilotes, c'est qu'au final, ils signent pour 2026 sans savoir quelle sera la hiérarchie. Hein, et il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Et moi, je pense que Williams, avec la culture de James Wolff, parce que lui, c'est un peu, on parlait un peu des effets de Vasseur tout à l'heure chez Ferrari, mais c'est un peu le même genre. Hein, c'est quelqu'un qui va jamais, il y a aucune culture du blâme chez lui. De toute façon, il a été élevé en plein air par Toto Wolff, donc c'est la même stratégie de gestion. Et au final, on retrouve exactement la même façon de faire, et on aura un moteur Mercedes qui va être probablement, qui va être probablement un très bon moteur. Et ils ont un duo de pilotes qui, pour le coup, boxe au-dessus de la catégorie dans laquelle ils sont aujourd'hui. Parce que quand tu es Williams et que tu as Albon et Sainz, tu montres tes ambitions en disant « Nous, en fait, on ne veut pas être là où on en est aujourd'hui, on veut être là où Albon et Sainz peuvent être. » Et déjà, un, ça veut dire qu'ils veulent ça. Et deux, ça veut dire qu'ils ont pu convaincre les pilotes qu'ils ont le potentiel pour y arriver. Parce que faut pas croire, Albon et Sainz, c'est des pilotes de F1, ils sont pas venus, ils viennent pas dans une équipe pour s'y enterrer en disant bah, « De toute façon, je sais pas où aller ailleurs. » S'ils y vont, c'est qu'ils croient aussi en quelque chose. Alors oui, ils ont pas toujours des options à côté, mais pour autant, il y a aussi probablement quelque chose qui leur fait dire « C'est là qu'il faut être. » Moi, je me mets à la place de Carlos Sainz. Je vois un Alpine, certes Mercedes d'un côté, mais avec un environnement hyper instable, un management non existant, des perspectives extrêmement délicates en termes de progression. Il a quand même connu Enstone, hein, Carlos. Oui. Il voit quand même que le projet ne progresse pas, voire même s'écroule. Donc sans aucune perspective clairement définie pour l'avenir. Un projet Audi totalement balbutiant, certes basé sur une équipe existante, mais qui n'arrive pas du tout à progresser, à faire quoi que ce soit, avec un moteur complètement nouveau d'un motoriste qui n'a jamais mis les pieds en F1. Il est clair que pour le meilleur choix, finalement, c'est le super management de James Wolff, le projet chez Williams, donc du coup, la stabilité effectivement de Williams, et le pari du coup 2026-2027. Et au pire, si ça ne marche pas, il pourra toujours changer encore après. Il se dit qu'il y a des clauses dans le contrat de Carlos qui permettraient de partir un peu avant l'heure. On publiera l'article demain, mais Wolff en fait les a démentis. Hein. Il y a pas de clause pour partir en cas de place dans un top team en 2026. En 2026, il est bien là. En 2025 aussi, forcément. Donc ça veut dire peut-être libérer au mieux fin 2026 s'il y a une clause. Mais pas question de rejoindre un top team en fin 2025 parce qu'une place se libérerait. Ça, c'est totalement exclu. Donc Carlos va vivre le projet Williams 2026, certainement 2027 aussi, puisque voilà, les deux hommes sont quand même très francs. Ça fait quand même plus de 8 mois, voilà, si vous avez lu l'interview de James Wolff, ça fait quand même plus de 8 mois que ça discute, que James Wolff est allé à la rencontre des Sainz à Abu Dhabi 2023 l'année dernière. Donc ça remonte à bien avant le fait que Sainz soit évincé par Ferrari pour faire venir Hamilton. Donc les discussions, elles remontent depuis longtemps, et James le dit, il a pas lâché, mais il a été aussi hyper honnête, hyper transparent sur ce qui progressait, sur ce qui allait moins bien, et les deux se sont entendus comme ça, et cette confiance mutuelle, parce qu'il a parlé vraiment de longues nuits, de longues discussions, de longues négociations et tout. Je pense que Carlos Sainz était au courant du projet Williams, peut-être même plus au courant que Logan Sargeant ou Alex Albon, quoi. c'est pour vous dire à quel point James Wolff le voulait. Donc voilà, il a réussi à l'avoir, donc bravo à James pour le pouvoir de persuasion, et j'espère que ça fera un bon projet en 2026-2025. J'y crois pas trop parce qu'on sera plus ou moins sur le même axe de performance que cette année, mais 2026, oui, j'espère au moins que ça décollera du côté de Grove. Totalement. Mais effectivement, ouais, c'est impressionnant de voir que c'était sa cible avant même que. Enfin, c'était pas une cible par défaut, Carlos Sainz. Et c'est très très bien que Vols ait réussi, parce que ça montre aussi sa capacité. C'est aussi convaincre des pilotes de venir dans une équipe. Et c'est vrai que c'est ce que disait Nico et ce qu'on avait déjà dit dans nos émissions, c'est que Albon Sainz, c'était possiblement, si Verstappen partait, on disait c'est possiblement un duo qui peut terminer chez Red Bull. Donc c'est quand même un très très bon duo pour Williams. Et on voit que recruter des pilotes de ce calibre-là, quand tu as une équipe qui factuellement aujourd'hui est la 9e force du plateau, c'est une très bonne chose. Et ça montre la capacité de gestion de Vols dans l'équipe, quoi. Donc je pense que c'est plutôt globalement très positif. Tout à fait. Bon, wait and see. Tout à fait. Voilà. Là, il y a beaucoup. Maintenant, du coup, eux, c'est scellé pour un moment. Il va falloir, ça évoluera bien plus tard. Ensuite, As. Magnussen a terminé 14e avec une stratégie à un arrêt. Hülkenberg a terminé 18e. On peut imaginer que si les deux avaient fait une stratégie à deux arrêts, les deux auraient terminé leur 18-19, 17-18. Ça n'aurait pas été fou. Donc, pas très bon week-end pour As, globalement le moins bon de la saison, je dirais. Première fois depuis. Merde, j'ai eu la stat. Depuis milieu d'année dernière, je ne sais plus quel grand prix, qui sont pas qui n'est pas au moins une As en Q2. Ouais, non, ils étaient très déçus parce que c'est un circuit qui attendait notamment Magnussen avec impatience. D'ailleurs, il s'est montré plus à l'aise tout le week-end que Hülkenberg. Donc voilà, c'est qu'il aime. Il aime vraiment Spa, donc voilà, quand un pilote se sent à l'aise sur un circuit, ça se voit aussi des fois au chronomètre. Donc la charge de la preuve aussi, c'est pareil, c'est Verstappen chez Red Bull, Spa, c'est son petit chemin, son petit jardin, donc ça va très vite aussi. Mais pour une fois, chez As, ils n'ont pas du tout trouvé les bons équilibres pour la course. Donc c'est vraiment le travail du vendredi qui a été un petit peu mis à la poubelle, hein, ce que disaient un peu les pilotes. Après, il y aura plus d'analyses à faire aussi, mais voilà, ils sont partis clairement du mauvais pied sur les réglages, peut-être aussi sur l'équilibre aéro qu'ils ont choisi. Il faudra attendre de leur côté le débrief peut-être de Zandvoort le jeudi dans un mois pour savoir effectivement ce qui clochait à Spa, parce que souvent voilà, effectivement le jeudi on demande ce qui allait bien, ce qui avait cloché lors de la course précédente. S'ils n'ont pas laissé passer les vacances couler là-dessus, il y aura forcément quand même des explications sur ce qui s'est passé pour c'est le premier week-end un peu décevant de As, hein, pour toute l'année quand même. C'est pas catastrophique. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Exactement. Ça peut arriver. Pour l'instant, c'est un incident de parcours. Donc, c'est ça. Toutes les monoplaces finissent dans le même tour quand même. Hein. Ouais. Faut quand même le rappeler. Hein. Oui, parce qu'on a parlé des premières équipes qui étaient très soudées entre elles, entre guillemets. Mais en fait, ça a été globalement. On a vu, on s'est même parlé pendant le Grand Prix en se disant justement que le peloton derrière a mis un moment à se faire décrocher. Une fois qu'il a été décroché, il a été nettement décroché d'un coup. Il a pris quasiment tout son retard en quelques tours. Mais. Au bout de 7-8 tours, Alonso était toujours à 2 secondes des pilotes devant lui. Ouais. Et... contre un DRS, il a lâché par rapport au groupe de tête. C'est là qu'effectivement, ça a commencé à se creuser. Mais, c'est ça. Mais sans ça, effectivement, tout le monde finit dans le même tour. Donc, il n'y a pas de safety car, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est une contre-performance sans en être une. En fait, c'est un peu comme toutes ces équipes-là. Il y a quand même du potentiel. Enfin, on voit des progrès, quoi, tout simplement. C'est ça. Donc, voilà, c'est... ouais, c'est vraiment, c'est voilà, faut pas que ça se reproduise, mais je pense que voyant ce qu'on a vu d'eux sur d'autres circuits récemment, je suis pas inquiet. Encore une fois, c'était une équipe qui en Hongrie, en Hongrie c'était plus le cas, mais à Silverstone ils ont terminé 6e au Canada aussi, donc c'est largement de quoi faire des points rapidement. Les circuits rapides aussi pourtant, donc ouais. Donc voilà, non, ils sont plantés sur les réglages, hein, clairement. C'était plutôt ils sont un peu paumés. La théorie avancée. C'est ça. Et c'est vrai que dans ce cas-là, avoir une journée pluvieuse en plein milieu du week-end, ça n'aide pas non plus à remonter pour certaines équipes qui ont un peu plus de mal ou un peu moins d'expérience ou de moyens pour rapidement inverser la situation. Et dernière équipe dont nous allons parler, c'est... Tu oublies pas Esteban quand même ? Mais tu sais que je croyais que c'était la semaine d'avant. Non, ils l'ont confirmé là. Bon, tout le monde le savait, hein, voilà. Putain, mais ça va tellement vite. Excuse-moi, je reviens sur As. Ça va tellement vite. J'étais persuadé que c'était la semaine d'avant. Non, mais... il y a trop de trucs qui sont annoncés en Formule 1. Ah oui, Esteban a confirmé juste avant le début du week-end du Grand Prix de Belgique. Donc, bon, voilà, c'était vraiment un secret de Pulchinelle, vraiment, mais plus, parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'on en parlait. Ouais. Avec Komatsu, évidemment, qui les deux se connaissent bien, tout se goupille un peu bien, sachant que voilà, Ocon avait a révélé quand même que ça faisait quand même presque un an qu'il a décidé de partir d'Alpine. Ça doit, à mon avis, parce que ça doit concorder à ce qui s'est passé du coup avec Spa l'année dernière, avec tout le tout team Rossi, Safnauer, Permane et compagnie. Enfin bref, on a vu que ça partait vraiment en délire total. Donc voilà, et donc ils ont commencé à discuter il y a un an quand même. Donc c'est assez fou cette révélation. Et voilà, et c'est une belle histoire parce que bon, c'est pas une équipe constructeur, c'est pas une équipe avec des très gros moyens. Mais c'est une équipe qui fait le taf, qui est remaniée peu à peu par Komatsu, qui cherche des partenaires techniques, qui pourrait signer notamment avec Toyota un partenaire technique assez intéressant pour les faire progresser, pour leur faire accéder à des moyens et des ressources qu'ils n'ont pas actuellement et qu'ils ne peuvent pas forcément construire parce qu'ils n'ont pas la base pour ou le budget de CAPEX, qu'on appelle le budget de CAPEX d'investissement nécessaire pour se doter de ça. Donc oui, aller frapper à la porte de grands constructeurs comme Toyota qui ont des super usines, des super infrastructures pour faire des pièces, des productions, ce genre de choses, c'est une excellente idée. Donc voilà, c'est a priori une bonne pioche pour Esteban. En tout cas, c'est pas une moins bonne pioche que Williams, que Audi, qui est quand même une grosse inconnue. On sait quand même que Esteban était extrêmement bien considéré par Audi, qui visait quand même Sainz. Donc voilà, mais et Ocon et Sainz ont rejeté le projet Audi. Et quand on voit ce qui se passe chez Audi aussi, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. On y arrive. Voilà, on peut dire qu'effectivement, c'est un choix un peu par défaut, parce qu'effectivement, je pense qu'il aurait bien aimé que Toto Wolff l'appelle chez Mercedes. Ça restera certainement la petite déception d'Esteban, à mon avis, c'est de ne pas avoir eu sa chance d'aller chez Mercedes quand même. Je pense quand même que, mine de rien, ça doit trotter dans la tête quand même. Et après, du coup, la moins pire des solutions, c'était As, puisque Wolff avait fait de Sainz sa cible numéro 1 depuis de longs mois déjà. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que oui, effectivement, Ocon était quand même focus sur cette décision-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis assez. De toute façon, encore une fois, c'est des paris. Et bon, ça fait une équipe. Je pense que ça va changer un peu de façon de faire les choses et de façon de voir les choses. Ça va être un peu. Je pense qu'il avait besoin de changement, quoi qu'il arrive, en fait. Donc, Salut Calabrese. T'inquiète pas, on vient juste de finir sur les 1,5 kg de Russell en moins. parce qu'on a passé 2h15 là-dessus. Donc, mais attends, on attaque McLaren. C'est ça. Non, évidemment que non. Hein. Mais salut à toi, effectivement. Et oui, de toute façon, le replay sera disponible très rapidement derrière. En général, maintenant, oui, c'est vrai que le replay maintenant sur YouTube, c'est dans les 45 minutes, 1 heure grand max, le temps que ça soit digéré par YouTube, vous l'avez donc. C'est ça. Voilà. Et pour les vraiment très impatients, c'est disponible sur Twitch directement. Mais sur YouTube, vous l'avez rapidement après. Donc, dernière équipe, parce que si on y arrive, c'est Steak F1. Kick en Belgique. Exact, c'était un gros changement. Ce n'était pas le même nom, c'était Kick F1. Et j'ai marqué Steak, mais du coup c'était Kick. Bottas finit 15e, Joe 19e. Ça faisait 16 et 20 sans la disqualification de Russell. Une évolution qui était un peu meilleure en qualif, ils y ont cru. Bottas partait 12e et il était optimiste. Et ça, puis, un super arrêt au stand en 1 seconde 9. Ouais, voilà, ça c'est des nouveaux territoires pour eux. C'est ça, le moins de 12 secondes, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas goûté. Et voilà, pour le côté sportif, on va dire, un peu réjouissant. Encore une fois, l'actualité surtout extra-sportive de ce côté-là, puisqu'on en avait parlé un peu, des rumeurs, on a d'ailleurs été parmi les premiers à en parler il y a 15 jours, comme quoi il y avait effectivement un crépage de chignon entre... Andreas Seidel et Oliver Hoffmann, donc Andreas Seidel, PDG de Sauber, et Oliver Hoffmann, responsable du sport chez Audi. Et donc nous étions un petit peu naïfs en se disant, s'il y a crépage de chignon, qui sera la victime et qui restera? Eh bien, ils ont tranché chez Audi, personne ne reste. C'est ça. Allez, les deux dégagent et on rappelle Mattia Binotto pour gérer tout ça. Alors pour Andreas Seidel, effectivement gros coup dur quand même. Hein. Je pense que d'avoir quitté McLaren pour finir comme ça, c'est pas top. C'est quand tu vois pendant ce temps-là, c'était là qui vit sa meilleure vie en faisant podium et victoire chaque week-end. C'est ça. Donc peut-être un bon, c'est quand même quelqu'un de très reconnu. Donc Maintenant, le problème, c'est qu'il était bien connu chez McLaren et il fait un plutôt bon taf, mais le taf chez Sauber, il n'est pas bon du tout. Donc, il reste quand même sur une note négative. Donc, pour se faire recruter derrière, c'est quand même plus compliqué. Donc voilà. Hoffman, bon, on ne le connaissait pas, donc forcément, c'est plus difficile de trancher. Mais bon, voilà, les deux, on n'est pas d'accord sur l'évolution, sur la manière d'avancer et surtout sur apparemment, l'évaluation budgétaire, puisque Ouais. l'évaluation budgétaire était vraiment complètement à côté de la plaque. On parle jusqu'à 1 milliard d'euros de gap sur 5 ans en termes d'investissement à faire. Donc, c'est vraiment une somme colossale. Et ce qui, d'ailleurs, serait une des raisons pour lesquelles Guanyu Zhou aurait été prolongé aussi voilà, pour ces 30 millions d'euros. Et d'ailleurs, on se commençait à se demander si Sauber, il n'aurait peut-être pas besoin aussi des 30 millions d'euros au moins en 2025 de Guanyu Zhou, parce que s'il y a un tel trou dans les comptes, qui sait si c'est pas ça qui pourrait le sauver. Bon, après, je pense pas que Mattia Binotto fasse de Guanyu Zhou sa cible numéro 1. C'était à mon avis Carlos Sainz, mais bon, mission bah déjà loupée hein, pour Mathieu, hein, qui a discuté avec Carlos, parce que Carlos a révélé qu'il l'avait eu au téléphone et tout, mais bon, ça pas. Je dis non. Évidemment, ouais, c'est ça. Il a eu 3 secondes au téléphone, à mon avis. Et Mathieu, ah non, non, c'est bon, je t'ai connu chez Ferrari, c'est plus possible. Et voilà, donc, projet à relancer un peu, quasiment presque, parce que c'est vrai que côté piste, ça n'a pas évolué. Et Mattia Binotto, avec sa grande expérience comme des grandes entreprises comme Ferrari, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui est là pour, avec son expérience, capable, je pense, de mettre en place les bonnes structures et les bonnes procédures pour pouvoir enfin progresser, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. Il arrive le 1er août, je crois. Donc, C'est c'est ça. après-demain, donc voilà. Donc, à Zandvoort, podium pour les steaks, et puis tout ira bien. Directement le Binotto effect, hein, c'est. C'est ça. Non, après Nico demandait dans le chat est-ce qu'il y a de l'espoir, des motifs d'espoir pour Audi Steak? Oui, quand même. On va pas les enterrer non plus. Ça reste un gros constructeur qui arrive avec un pedigree de constructeur qui s'engage pour gagner et qui arrive toujours à ses fins. Maintenant, c'est sûr que en fait, ça montre aussi à quel point. Aujourd'hui, ils sont vus comme étant très mauvais parce que tout le monde les avait au départ imaginés. Enfin, tout le monde a dit. Des gens ont un peu repris le truc de Mercedes en 2014. Tout le monde a dit de toute façon, Audi, ils veulent la réglementation est faite pour eux, ils vont gagner. Mais en fait, ça marche pas comme ça la Formule 1. Et nous, vous a toujours dit, soyez prudents parce que Audi arrive avec un gros projet, mais gros projet en Formule 1, ça ne veut pas dire gagner. Oui, Mercedes l'a fait. Pour autant. Comment dire, Mercedes l'a fait, mais on a vu des gros projets en Formule 1. On pense à Toyota, on pense à Jaguar, on pense à d'autres industriels comme ça qui se sont totalement foirés. Donc, les gens avaient déjà dit, oui, de toute façon, 2026, c'est Audi qui dominera la Formule 1. Mais en fait, enfin, non, à aucun moment on a ce genre de garantie. Et aujourd'hui, on voit Il n'y aurait pas que. de budget, il y aurait pas de budget de cap pour les motoristes. Oui, peut-être, ils auraient pu balancer. Et Et encore, encore. Et c'était pas encore. trop la politique de balancer des centaines de millions non plus dedans. Parce qu'il y a quand même un taf de malade à faire à Inouye. C'est ça. Comment dire, les Il y infrastructures a Neubourg, ouais, sont c'est ça, ouais. vieillissantes, Neubourg aussi. Et surtout, la partie châssis de Sauber, c'est quand même pas une équipe qui a fait beaucoup de bons châssis ces dernières années. Et moi, je me maintiens là-dessus, que oui, il y a de l'investissement qui est fait, oui, il y a des progrès, oui, il y a des recrutements, mais ça ne fait pas tout en Formule 1, et surtout sur une ère ultra serrée comme on est actuellement, et comme on sera encore après, parce que même si 2026, le peloton s'écarte un peu, la convergence, on a vu maintenant que c'est une affaire de 2 ans, hein, maximum. Allez, 3 maximum si les moteurs sont vraiment très larges, et en fait, je pense pas qu'il y aurait une grosse divergence de performance des moteurs par rapport à ce qu'on a pu voir en 2014 notamment. Alors, Lord Félix dit Mercedes est arrivé en 2010 pour gagner en 2014. Mais ils sont arrivés en 2010 en tant qu'équipe. Après, le projet, ils l'ont pris en même temps que tout le monde. Hein. Les moteurs étaient gérés comme tout le monde et ils ont travaillé comme tout le monde. Ils n'ont même pas eu. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de légendes urbaines à ce sujet-là. Ils n'ont pas eu la. Faut pas oublier que Mercedes ne voulait pas d'un V6 et Mercedes voulait pas tout à fait ce type de système hybride. Donc, il y a beaucoup de légendes urbaines là-dessus. Et exactement, il y a une légende urbaine qui commençait à se créer avant même qu'Audi arrive sur le fait que c'était leur réglementation et que c'était pour eux et qu'ils venaient pour gagner. Parce que de toute façon, c'était hors de question qu'ils venaient pour faire autre chose. Mais. Non, c'est pas comme ça que marche la Formule 1. Et en fait, ce que fait Mercedes en 2014, c'est quelque chose de colossal, quoi qu'il arrive. Et mais qui a coûté très cher, c'est vrai, parce qu'à Et l'époque, qui il n'y a avait pas coûté du très tout cher. de budget de cap. Oui. On était bien loin de tout ça. Ça, c'est vrai. Et effectivement, Mercedes gagnait déjà en tant que motoriste, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était un moteur Mercedes qui a gagné le titre en 2008, qui a gagné le titre en 2009. Donc voilà, c'était un moteur qui était quand même réputé en tant que V8, et quand ils ont fait leur V6, c'était pas une surprise qu'il soit un très bon moteur. Ah oui, pardon, j'ai pas compris du coup, Lord Phoenix, le fond de ton propos. Mais en tout cas, voilà, donc oui, c'est vrai que Steak F1, c'est. Aujourd'hui, c'est pas le projet le plus sexy en Formule 1, quoi, ça c'est clair. Hein. Mais il commence à le devenir de plus en plus, puisque les places se remplissent à gauche et à droite. Quand il restera une place chez RBF1, ce sera. C'est ça, et donc voilà, Mackie maintenant pour épauler Nico Hülkenberg chez Audi, enfin chez Steak d'abord, Audi ensuite, et ben dur à dire, très dur à dire. On a dit, c'est Lawson, s'il ne peut pas aller chez RBF1, c'est a priori la cible numéro 1. Après, vous avez du Mick Schumacher, vous avez évidemment du Valtteri Bottas qui aimerait bien rester. C'est très très compliqué. Il y a Guanyu Zhou effectivement avec ses 30 millions, à la lumière de ces millions d'euros qui manquent dans les caisses. A quand même peut-être sa carte à jouer, au moins peut-être pour un an, effectivement, juste. Théo Pourchaire, peut-être, qui sait, pas certain, m'étonnerait. Pas de soutien particulier, pas d'expérience non plus, donc un Mick Schumacher de nationalité allemande, enfin un duo 100% allemand pour la belle histoire. Mais ils avaient dit que ça ne voulait pas justement un duo 100% allemand. Ils n'étaient pas contre au départ, mais après, ils ne voulaient pas. Et puis, bon, finalement, peut-être bien devoir se raviser s'ils n'ont pas le choix. Je ne suis pas certain qu'un Bottas soit vraiment dans l'image d'Audi, à moins que. Non. Parce que Bottas a clairement dit quand même que voilà, il fallait respecter sa personnalité. Voilà, il n'a pas dit non plus qu'il allait nous faire du Philippe Catherine à tous les week-ends. Il ne coupera pas le mulet et la moustache si Audi leur lui demande. C'est ça, c'est pas du Philippe Catherine, mais on n'en est pas loin. Voilà, mais ouais, c'est compliqué aujourd'hui de vous dire. Magnussen, franchement, ce serait vraiment un manque d'ambition absolue pour Audi. Oui, je pense que. Et Joe pareil d'ailleurs. Oui, c'est évident. Pour moi, il faut aussi à tenter quelqu'un, il faut tenter un jeune, il faut tenter un Mick Schumacher. Schumacher, c'est le candidat idéal pour moi. Hein? Mick Schumacher, pour moi, c'est le candidat idéal en termes de. Oui. De mix de jeunesse, expérience, tout ça, grand nom quand même, enfin grand nom, voilà. Gars travailleur et tout, voilà, non, c'est clair qu'il y a des choses à faire. Après, c'est compliqué. Là, pour le coup, c'est il va falloir attendre que ça se décante un peu chez, peut-être chez Alpine déjà pour commencer. Ouais. Effectivement, si Bottas n'est pas retenu, parce que je pense que Bottas a quand même posé sa candidature chez Alpine et il n'est pas du tout exclu qu'il puisse signer là-bas. Hein, c'est clair, même si je vois plus un Jack Doohan vu l'investissement qu'ils font dessus, vu que Briatore est son manager, je le vois plus effectivement devant Bottas dans la tête des dirigeants. Mais bon, un gars expérimenté comme Bottas, oui, mais bon, Gasly aussi très expérimenté, il fait bien marcher la bagnole et il n'y a pas besoin de deux gars expérimentés pour bien faire marcher la bagnole. Donc voilà, c'est là pour le coup, c'est extrêmement. Je pense que c'est le baquet le plus ouvert à ce stade. Et c'est compliqué de prédire qui pourra le prendre. Dans Walter Orr, au moins de 10 ans. Franck Biela, un pilote Audi de longue date. C'est ça. Lucas Di Grassi. Non, non, non. Non, non. Non, non. Pitié. Donc voilà, c'est pour finir sur la note. On ne sait pas. Cette équipe, c'est l'équipe on sait pas en fait. Elle porte bien son nom. On sait pas grand chose hein, globalement dessus. On sait même pas. C'est pas même qui dirige donc voilà. C'est même pas sur un autre. Voilà, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure de Mike Rack effectivement. Est-ce que Binotto a vraiment besoin d'un autre directeur d'équipe? Est-ce que Aluni Bravi restera? Lui pareil, il a l'air de passer entre les balles. Bravi. À coup à gauche, à coup à droite, personne ne parle de moi. Ouf. Parce qu'il bon. Il dégage tous ceux qui font la gueule alors qu'il fait pas la gueule donc c'est pour ça. C'est ça, donc Bravi, c'est un peu c'est le team principal, enfin le représentatif, pardon, parce qu'il l'appelle comme ça exactement, un peu inexistant dans le paddock, qu'on entend parler que quand il est aux conférences de presse de la FIA. Un jour, il faudra qu'on fasse une émission sur ce mec et son parcours quand même, parce que. Je vous jure, hein, qu'à part les communiqués de presse et les conférences de presse de la FIA, personne ne va chercher les interviews de Bravi. On devrait y aller, je suis sûr qu'il nous accorderait une par semaine. Je vais écrire à Will, je vais dire, tu veux pas qu'on fasse des trucs avec un édito de Aluni Bravi chaque semaine. Il est très bon, bon, je suis pas sûr. En fait, on va comprendre que c'est pas les journalistes qui ne vont pas, c'est Audi qui les verrouille. Ah, il est trop chiant. Donc voilà, c'est l'équipe, on sait pas. Voilà, ça va être la nouvelle équipe de la F1. Comme Alpine, d'ailleurs. Alpine aussi, on sait pas. Hein, donc... On sait plus, pardon. Ouais, on sait plus. Non, mais c'est vrai que c'est fou parce que finalement, on est sur une des aires les plus solides de la F1 en termes de valeur des équipes et de futur des équipes. Et pour autant, il y a des équipes qui sont en train de se mettre toutes seules dans des situations improbables. Donc, c'est assez dingue. Exactement. Bon, en tout cas, voilà. Donc, nous, bah, Grand Prix en soi fait une pause jusqu'à pendant 4 semaines. On se retrouve dans 4 semaines. Pour, à moins d'une nouvelle hallucinante pendant l'été, mais normalement. Voilà. Alors, si oui, après, on dit pas qu'on prendra pas du tout le micro et la caméra pour faire quelque chose. Petite FAQ, petit jeu, je ouais, sais pas. Voilà. On verra. Ouais. C'est pas impossible quand même, puisqu'on va peut-être pas vous laisser 4 semaines sans donner de nouvelles. Mais Grand Prix en soi. Voilà, du petit truc à prendre. Ah, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal de faire un ou deux trucs comme ça. Grand Prix en tant qu'émission, par contre, effectivement, ce sera retour toute fin août avec le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Tout à fait, il n'y a pas de Grand Prix surprise qui arrive. Hein. Non. Ça, c'est pas possible. Non. voilà, et puis un bilan de mi-saison, oui, éventuellement, peut-être. Une sorte de bilan FAQ, pourquoi pas. Un truc un peu échange avec vous, ça peut être sympa aussi. Avez-vous parlé de Verstappen au début, d'une possibilité de partir de RB? On a parlé de Verstappen, de possibilité de partir de RB, on a déjà parlé il y a quelques émissions. Là, ça semble quand même être un peu au point mort, cette histoire. Donc, évidemment, ouais. Wolff a l'air de toujours y compter un petit peu, mais on sent que c'est plutôt le long shot que le vrai projet. Quoi. Ouais, on sent que Horner a pris la main, que tout le monde semble s'y rattacher, que même Marco a l'air de faire avec, on va dire. Donc, donc tout le monde doit faire avec. Après, c'est ça. Le problème, c'est que du coup, ça veut dire que Verstappen ne peut plus partir que si. Alors que si Marco s'en va, apparemment c'est plus possible non plus. Si c'est terminé, donc c'est-à-dire que Verstappen ne pourrait partir que si les performances de Red Bull chutent. Mais pour l'instant, il est en tête du championnat et tout va bien, même s'il gagne plus. Voilà, c'est pas la tendance qui compte, c'est le nombre de points en championnat. Et actuellement, il est en tête et il est quand même plutôt bien parti pour son quatrième titre pilote. Même s'il sera plus difficile à décrocher, celui-ci, c'est clair. Absolument. Et ben merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette 14e émission de Grand Prix de la saison. Portez-vous bien pendant le mois d'août, hein, profitez aussi de la F1 qui déconnecte. Ne déconnecte pas sur NextGen Auto, on va continuer à publier des news, des choses comme ça, de tout ce qui va tomber, toujours des déclarations de ce qui. Évidemment, de tout ce qui est de la première partie de saison, puis j'imagine que les équipes vont un peu faire des bilans aussi. C'est un NextGen Auto en général, le mois d'août c'est toujours très rempli. Ouais. L'actu chaude évidemment tout le temps, et au cas où on a toujours des articles pour un peu plus de fond, un peu plus historique, un peu plus d'analyse. On est en général en moyenne au moins sur une bonne dizaine par jour, donc vous aurez de quoi avoir votre dose de F1 sans aucun problème pendant tout l'été. Et restez connectés. Exactement ça, on ne vous abandonne pas évidemment, mais profitez aussi de l'été, hein, parce que derrière, par contre, quand Laurent Mekies a donné une... C'est Mekies qui a donné une... Oui, c'est Mekies qui a donné une statistique disant que ce serait la... attends, putain, c'était quoi cette statistique? Il n'y aura plus de Grand Prix tout seul, c'est-à-dire sans Grand Prix, enfin il y aura... que des doublés de Grand Prix ou des triplés de Grand Prix jusqu'en mai 2025. Ah, c'est ça. Donc, ce sera que des Grand Prix par deux ou par trois qui arrivent là, jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc ça va secouer un petit peu. Donc reposez-vous aussi quand il n'y a pas de Formule 1, mon conseil, parce que nous on va faire pareil, histoire d'être en forme, parce que la saison se terminera aussi par deux triple headers, même s'ils sont séparés par trois semaines, ça va quand même piquer. Et puis voilà, et surtout la deuxième partie de la saison de F1 s'annonce très très intense et très très disputée, donc il faudra être en forme pour ne pas la rater. Donc merci à tous pour votre soutien et votre suivi sur cette première partie de saison. On se retrouve très vite. De toute façon, suivez-nous sur la chaîne, abonnez-vous si vous voulez évidemment. Suivez-nous sur la chaîne pour savoir quand est-ce qu'on prend des lives. Et puis on se retrouve pour une fin de saison bien intense, quoi qu'il arrive, au plus tard fin août pour les 10 courses restantes. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée et bel été à tout le monde.